I'm very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399. €399, and for the folks of my homeland, €349 still. In the US and Europe this holiday season. Bien, suis-moi. Oh, j'ai tout là, c'est bon. Ouais. Ah non, mais je sais pas où ils sont là, je les cherche, je sais pas où ils sont. Non, elle était à côté tout à l'heure, tout le temps, je sais pas, je t'ai vu là. Ouais, et j'ai mes notes, je te dis, c'est bon, j'ai mes notes. Ouais, je vois Julien là-bas. On va là-bas, il y a Julien qui s'approche là. Salut, bon. Si tu les trouves. D'accord, on se retrouve, tu vois, c'est de ce côté-là. Dans 5 minutes. Ok, à toutes. Bonsoir à tous, bienvenue sur GameDevoreur.com. Claire, bonsoir. Bonsoir, ça va bien. Le temps aux USA te va bien, enfin, voilà. Bah, aujourd'hui il fait moche, si tu veux tout savoir. Ah, mais t'es à Los Angeles, la Claire. Montréal, c'est fini, tu vois. Non, malheureusement, on n'a pas vraiment un temps ensoleillé de Los Angeles. C'est quand même... Exactement. Ensuite, on va passer à Tristan. Bonsoir. Salut Tristan. Enfin, Camé. Oui. Bonsoir. Salut tout le monde. Et Julien, le petit nouveau. Bonsoir à tous. Alors donc, nous allons parler bien sûr de cette conférence, l'E3 qui s'est tenue. Alors l'E3, c'est tout simplement la plus grande cérémonie au niveau international consacrée aux jeux vidéo. Ça rassemble vraiment les plus grands éditeurs du monde entier, les plus grands développeurs, enfin quand je dis du monde entier occidental, hein, parce que c'est pas vraiment la messe du jeu vidéo japonais non plus. Mais qu'importe, donc voilà, pour le jeu vidéo occidental, c'est un événement extrêmement important depuis à peu près une vingtaine d'années. Souvent sont présentées les consoles en avant-première, souvent sont présentés des jeux en world premiere, comme dirait Game Trailers. Donc l'E3, c'est réellement Noël, mais aux portes de l'été. Voilà, donc dans cette émission, et dans ce podcast, hein, nous allons, dans une première partie, revenir sur les jeux qui ont été présentés, les jeux qui sont quand même... le nerf de la guerre, hein. Et ensuite, dans un second podcast, hein, afin que ce soit beaucoup plus facilement digérable pour vous, nous allons effectivement revenir sur les politiques des constructeurs et ce que nous avons pu retenir de tout ça. Voilà, quelque chose qui sera un peu plus analytique. Donc, dans cette E3, hein, et dans les jeux qui ont été présentés, nous n'allons pas suivre la chronologie, c'est-à-dire que même si Microsoft est passé en premier, comme à peu près chaque année, nous n'allons pas commencer par Microsoft, mais revenir sur les jeux qui ont été présentés par Ubisoft, en l'occurrence. Hey everybody and welcome to Ubisoft E3 2013 Media Briefing. I am your host, Aisha Tyler. Welcome. Welcome to the show. Chez Ubisoft, qui est donc le troisième éditeur-développeur du monde, hein, qui est à peu près présent sur toutes les plateformes et qui est réellement qui arrive vraiment à faire la jonction entre tous les publics, toutes les plateformes, tous les constructeurs, nous a été présenté donc en premier Rocksmith. Alors, Camé, Rocksmith, qu'est-ce que ça te dit? Bah ça, qu'est-ce que ça me dit? Moi, je fais pas de guitare maintenant. J'en ai entendu pas mal de bien. Et bon, c'est une simulation de guitare sur laquelle tu peux brancher ta gratte et puis faire ton petit show là sur la console. Bon, c'est très bien. Enfin, pour ceux que ça intéresse maintenant, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont ouvert le show là-dessus déjà. Peut-être pour le côté spectacle, musique. Bien sûr. Pourquoi pas, mais. Enfin voilà, c'est loin d'être, on va dire, le fer de lance d'Ubisoft à l'heure actuelle. Hein. Ça reste un petit jeu sympa, quoi. Peut-être aussi parce qu'il a bien marché aux États-Unis. Le premier Rocksmith, quand il est sorti, il est sorti d'ailleurs avant l'Europe. D'accord. Et il a eu son petit succès. D'ailleurs, c'est pas un mauvais jeu. J'ai eu l'occasion de tester. C'est sympa. Je veux pas dire que c'est la simulation ultime, mais c'est un bon début. D'accord. Après, bon, il y a quelques petits problèmes inhérents au fait que passer une guitare sur un signal d'analogique vers du numérique en passant par l'USB, ça marche pas très très bien en termes de latence. Mais bon, ça c'est juste petit détail. La latence reste assez faible quand même. Parce que en fait, moi je l'avais acheté à sa sortie et franchement, ça tourne plutôt bien quoi. D'accord. Mais ouais, comme il disait, ça s'est vraiment bien vendu en Amérique du Nord. Nous, je sais qu'à Montréal, il y a eu des ruptures de stock très rapides quoi. Au bout de quelques jours déjà, il n'y en avait plus. Ça a été une vraie galère. Les magasins ont dû en recommander et pendant un mois et demi et deux mois, il y a eu des ruptures de stock complètes dans tous les magasins quoi. Ok. Donc non, vraiment, ça s'est très bien vendu ici en Amérique du Nord. C'est sorti quasiment un an avant l'Europe. Ouais. Ouais. Et ça a eu un bon petit succès, quoi. D'accord. En même temps, vous bouffez aussi du sirop d'érable. On peut pas vraiment. Rocksmith aussi qui arrive un peu aussi à la fin de l'âge d'or des jeux musicaux, hein. Aussi, mais bon. Ubisoft. Oui, mais ça offre une autre expérience en fait. Ouais. Parce que tout ce qui était Rock Band, Guitar Hero, etc. Enfin, c'était appuyer sur les touches et puis cliqueter avec ce qui faisait office de médiator. C'était vraiment pas terrible, quoi. Disons ce qu'il y a de plus étrange dans le fait qu'il présente Rocksmith en ouverture, c'est que c'est même pas vraiment un jeu, en fait. C'est vraiment pour apprendre la guitare, c'est quand même technique, c'est bien fait, et c'est vraiment, faut s'y mettre dedans, c'est pas quelque chose que tu vas faire une partie avec tes potes, de la même manière que du Guitar Hero, ou du Rockman. C'est peut-être un peu trop haut niveau pour apprendre la guitare quand t'as vraiment aucune expérience, mais quand tu sais faire quelques accords, puis que t'as un minimum, c'est vraiment bien, parce que ça permet vraiment de travailler les doigts, etc. C'est ça, mais ça a pas mal d'exercices. En fait. Okay. Ça a pas grand chose d'un jeu, en fait. C'est plus sûr. Pour apprendre la guitare en ayant moins l'impression de te torturer les doigts. Ouais, c'est ça. Après, c'est comme je disais, c'est plus pour le côté spectacle hein, qu'ils ont dû choisir d'ouvrir avec ça. Pas. Voilà, la musique, tout ça. C'est, tu vois, ils ont fait une petite transition entre le rien du tout et puis Ubisoft. Quoi. Ensuite, nous sommes passés à The Mighty Quest of Epic Loot, qui est un petit /slash free to play. Non, est-ce qu'il a laissé, enfin, est-ce qu'il a fait impression à qui que ce soit ici? Pas nécessairement. D'accord. Ça m'a pas frappé, on va dire. Ensuite, nous avons eu South Park, The Stick of Truth. Ouais. Non, là non plus. Non. South Park. Enfin bon, ça reste comme une grosse licence qui avait été rachetée par THQ. Enfin, qui avait été achetée à THQ. Avant oui, c'est la fameuse licence. Oui, d'accord. C'est la fameuse licence de THQ en fait. De ses projets sauvés. Qui a été rachetée, ouais. Exactement. Au dernier moment. D'accord. Ensuite, The Crew, un jeu de course automobile dans un univers persistant. Ça, j'attends de voir les détails. Bon, personnellement, je suis pas du tout intéressé par les jeux de voiture, mais dans l'idée, je trouvais ça rigolo. D'accord. Je me disais, ouais, pour des gens qui aiment bien les jeux de voiture, c'est quand même, enfin, ça ressemblait un peu à un Trackmania 3D un peu plus poussé. Non, Trackmania, c'est Trackmania. Ça pouvait être intéressant. Trackmania, c'est Trackmania. Non? Ouais, enfin, non, c'est. Trackmania, c'est. Un genre de. C'est un genre de. Super acrobatique, c'est quand même super rapide. Je veux dire, on est dans une autre dimension sur Trackmania, c'est pas un simple jeu de voiture. C'est un peu plus abstrait, Trackmania, déjà. Ouais, mais c'est super rapide, c'est super acrobatique, c'est super fou, quoi. Oui, tout à fait, mais dans le sens où là, on voit vraiment du réalisme. Trackmania, on peut pas vraiment parler de réalisme. Ah, je te dirais réalisme, j'ai l'impression que tu peux défoncer les voitures adverses. Ouais, mais ça, c'est la base, c'est la base. Du burnout. Ouais, voilà, c'est plus du burnout. Ouais, c'est mais bon, en tout cas, donc, The Crew, la principale caractéristique, bien sûr, c'est que c'est dans un univers persistant. C'est-à-dire que vous avez une map immense, hein, je crois, qui est de la taille des États-Unis, ou quelque chose du genre. Et en gros, vous pourrez tout le temps, enfin tant que quelqu'un sera en ligne, ben vous pourrez éventuellement le croiser durant la course, etc. Et donc démarrer comme ça des courses à la volée. Ouais, donc tu démarres à Los Angeles, le mec il est à New York, bah vas-y, bon courage. Voilà, ouais. Vas-y, tape-toi la route 66, allez vas-y. La liaison entre les différentes villes justement va être réduite. C'est ce qu'il disait, vous pourriez aller de Miami à New York, mais à mon avis entre les deux, si t'as 15 minutes de route, c'est le maximum à mon sens quoi. Ça va être ce genre de choses, à mon avis. Mais tu sais, ils vont essayer de représenter les grandes villes et puis les décors pour représenter certains espaces, les déserts, ce genre de choses. Mais oui, bien sûr, ouais. À mon avis, dans les faits, ce sera clairement pas de la taille réelle des États-Unis, quoi. Non. Espérons. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt. Puis, enfin, moi, étant un peu fan de simulation automobile, oui. J'ai fait tous les Forza, tous les Gran Turismo. Là, tu dis ça me laisse absolument de marbre. Oui, mais tu as dit simulation automobile, ce qui n'est pas vraiment c'est le créneau d'arcade là. De crew quand même. Oui. Non, mais voilà, justement, enfin, j'ai aussi eu ma part de comment ça s'appelle déjà, Ridge Racer aussi, mais voilà, Ridge Racer, ça reste Ridge Racer, et puis après faire quelque chose qui ressemble à ça, ou essayer de faire du Burnout Paradise, sachant que c'est pas un jeu extraordinaire à la base. Oui, c'est vrai, en beaucoup plus grand, dans l'esprit. Oui, en plus grand, mais ça change pas le problème que le jeu n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt non plus, quoi. Ensuite, Ubisoft nous a présenté Rabbids Invasion, qui est un jeu, enfin, qui est un show télévisé interactif autour des lapins crétins. Oh non. Là. Non, là non plus, d'accord. Non. Ouais, ensuite, l'immense série à succès. Ça va faire rêver grand monde, c'est sûr. L'immense série à succès Just Dance, qui pourra cette fois accueillir jusqu'à 6 joueurs. Ouais, c'est bien, quand ils arrivent encore à faire des jeux sur le clone de Dance Dance Revolution, c'est pas mal. Non, mais Just Dance, c'est juste l'une des plus grosses licences. Enfin, de l'année, enfin partout où ça passe, quoi. C'est un gros morceau de Just Dance, hein. C'est pas juste. Oui, c'est ce qui paraît. Bon, enfin, les ventes sont les ventes au final. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, mais comment dire. Oui. Secret Story, c'est aussi très regardé, tu vois. D'accord. C'est bon, ou pas là. Qu'importe. Il y a un public pour Just Dance, donc voilà. Après, ça peut paraître simple, mais il y aura à nouveau donc Just Dance jusqu'à 6 joueurs. C'est une annonce importante, bien sûr, pour Ubisoft. Ont été présentés Trials Fusion et Trials Frontier, qui sont donc deux jeux de Red Lynx. Red Lynx Studio racheté par Ubisoft il y a quelques années, et qui continue sur sa série à succès, les Trials, qui avait eu un énorme succès sur Xbox Live Arcade notamment, qui était sorti sur PC, qui est donc une espèce de jeu, enfin, est-ce que quelqu'un pourrait me décrire la série des Trials? Jamais joué. Jamais joué non plus, mais Vas-y, je t'en prie, Camé. Non, bah, j'y ai jamais joué, j'ai dit. Mais d'accord, toi, oui, par bon, contre, t'as jamais joué. Courant, moi non plus, j'ai jamais joué. Tu vois, mais bon, en gros, Trials est une. Voilà, en fait, Trials, c'est du motocross acrobatique avec un moteur physique qui est assez sensible. Donc, effectivement, vous allez devoir passer au-dessus de barils, etc. Vous avez des dangers. Et juste, le but est d'aller d'un bout à l'autre. D'un mini-circuit, mais circuit en fait qui n'est composé que de pièges et de choses à surmonter. Voilà. Et donc toujours en tenant compte du moteur physique et de la physique donc de la moto que vous contrôlez. C'est presque du Trackmania moto en fait, non ? Non. Oui, non, moi je pensais au jeu Flash, je me rappelle plus du nom. Ah oui, d'accord, le truc où tu dois pencher en avant, en arrière et compagnie. Oui, voilà. Mais où tu dois éviter de planter ton enfant sur des pics. Ouais, bon, enfin, peut-être que c'est moins connu que Trials aussi, clair. Non, c'est, comment il s'appelle ce jeu? C'est Joe Danger, ce jeu, non? Non, mais c'est, si tu veux, je en fait, plus du nom. La physique de Trials est tellement sensible. Oui, voilà, tu vois, merci. Que tu peux recommencer 50 fois. D'accord. C'est ça le truc de Trials. C'est que ton circuit que tu peux faire en 30 secondes, bah, tu vas le faire en une heure, quoi. Tellement tu auras de répétitions. C'est vraiment du die and retry. Bon, le jeu est ce qu'il est, hein. C'est pas non plus une merveille graphique. D'après la bande-annonce que nous a présenté Ubisoft, le jeu va être encore plus fou, c'est-à-dire qu'il y aura des tremplins encore plus grands, il y aura des choses encore plus folles. Sachant que Trials Frontier annonce une sortie sur mobile de la série pour la première fois, avec donc les deux jeux qui seront interconnectés, les deux univers, enfin pas les deux univers, mais la version mobile sera aussi connectée donc aux versions console d'une manière que nous ne connaissons pas encore. Mais voilà, c'est ça. Donc Trials, c'est vraiment une grosse série pour les joueurs. Déjà, premièrement, qui a connu un immense succès sur Xbox Live Arcade, à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est-à-dire il y a environ 5 ou 6 ans. Et il est donc dans les, je crois, 5 meilleures ventes du Xbox Live Arcade pour les épisodes antérieurs, bien sûr. Donc là, Fusion, et enfin, Ubisoft a terminé sa conférence avec un jeu qui, là, va peut-être, justement, vous enthousiasmer un peu plus, The Division, Tom Clancy, The Division. Civilians on the left. She's gone red. I'm low on packs, though. We have to leave it. Hey, guys, I got you on my map, so I will head your way. Sweet. See you in a sec. I'll meet you up on the corner. Okay. It's clear up this far. Yeah, the intersection's clear. There's some, like, construction site here on the left. Bah déjà l'idée de base est très intéressante, c'est en plus un sujet très actuel hein, sur le côté terrorisme, etc., fin du monde, survie à son paroxysme, c'est sur un monde pseudo ouvert, après on verra ce que ça va vraiment donner. J'ai vu quelques images de la vidéo gameplay qui avait été présentée, la physique incroyable, enfin voilà, on voit quand même pour un début sur sur nouvelle génération, ça rend vraiment très très bien. Oui. Et ouais, j'attends de voir. En tout cas, j'attends avec impatience celui-là. Claire, The Division. Ils ont annoncé des nouveautés Camé, en particulier. Ouais. Ou... Vas-y, Camé, oui. Je sais pas si parlez-en parce que moi je. Bon, allez, vas-y, Claire. Je t'en prie. Moi, je disais, je sais que le jeu, j'avais. L'univers m'a pas forcément plus marqué que ça, parce qu'en ce moment, il y a énormément de jeux dans ce genre-là qui sortent. Ouais. Même, tu peux aussi prendre les jeux top, type DayZ, WarZ aussi, qui sont un peu dans le même genre, même si là, c'est avec des zombies. Ouais. Puis, en soi, le thème m'a pas forcément marqué. Le jeu a l'air cool. Ce qui m'avait vraiment marqué, c'était l'interface, vraiment, la façon dont c'est. Dont l'interface en fait utilisateur est intégrée dans le jeu avec le menu, la map qui se déploie en dessous de toi quand tu veux te déplacer, éléments qui s'intègrent vraiment dans le design, puis t'as vraiment pas l'impression que ça te coupe comme si tu rentrais dans un menu, puis c'est vraiment super intégré, puis ça j'ai trouvé ça vraiment super immersif là. Oui, bon, le côté réalité augmentée, c'est vrai que ça rend vraiment très très bien. C'est un peu inspiré de l'interface de Dead Space. C'est exactement ce que j'allais dire. Tout à fait. Donc c'est pas non plus très next-gen. C'est pas non plus, voilà. C'est sûr. Ça doit être un de ceux qui a le plus poussé à ce niveau-là. Enfin, j'ai pas joué à Dead Space. Enfin, j'avais joué vite fait à Dead Space. Ça m'avait pas autant marqué, là. J'ai vraiment trouvé que c'était classe. Mais. Là. Pour revenir un peu sur The Division, pour décrire un peu mieux. Donc c'est un jeu qui se joue à la troisième personne. De tir, enfin en tout cas vous êtes un personnage qui dispose donc d'armes à feu, et vous êtes donc dans un monde, dans un New York ou dans une Amérique totalement dévastée, avec des gens avec une population qui était donc dévastée par un virus qui s'est transmis grâce aux billets de banque, d'accord, et tout a démarré au fameux Black Friday, c'est-à-dire les 2-3 jours durant lesquels les Américains bénéficient de promotions, etc. Donc il paye en espèces, et le virus, en fait, s'est propagé comme ça. Et il a décimé une très grande partie de la population. Donc vous allez tenter donc de survivre dans ce nouveau monde, en quelque sorte. Et voilà, vous avez un univers très très ouvert, très très large, et vous avez aussi la possibilité de jouer en multiplayer, sachant que c'est une sorte de MMO, mais une sorte de MMO avec... Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça. Je sais pas si ça va pas être un truc, tu sais, à la Guild Wars 1, où t'as des zones où tous les joueurs se croisent, puis après, quand tu pars en instance, t'es... J'ai l'impression que ça ressemble à ça, ouais. J'ai l'impression que ça ressemble un peu plus à ça. Et moi, l'élément, en tout cas, qui m'a marqué dans la présentation de The Division, c'est tout simplement la tablette. C'est-à-dire que vous avez... Les joueurs qui jouent certainement en ligne, tous devant leur console ou leur voilà. Le jeu n'a pas été annoncé sur PC. Bon, maintenant tous les jeux Ubisoft sortent sur PC quasiment, mais ce jeu n'a pas été annoncé pour PC. Mais qu'importe. Donc tous les joueurs apparemment jouaient sur leur PlayStation 4 ou leur Xbox One. Et à un moment, on voit une espèce de drone de combat qui arrive, et ce drone est dirigé par une tablette. Donc voilà, quelqu'un qui est dans ses chiottes ou j'en sais rien, tu vois, et qui arrive quand même à influencer sur la partie donc des personnes qui sont au sol. Et sachant qu'il y aura donc du PVE, player contre environnement, player contre player, voilà. Donc c'est un MMO, mais comme l'a dit Claire, un peu peut-être côté Guild Wars, quoi. Donc voilà, pour ça qu'il y avait. Personnellement, pour un MMO, que c'est techniquement très impressionnant, quoi. Ah oui, oui. Ouais. L'un des techniques. Ouais. Hein. J'ai jamais vu un MMO de ce niveau-là, moi. Alors si vraiment c'est ce qu'ils disent et que voilà. Si on en vient vraiment à avoir un MMO. Oui, voilà, c'est ça. S'il y aura une vraie dimension MMO dans le sens peut-être des interactions sociales, genre de choses. Ouais. Là, c'est très très fort. Ouais. D'accord. Donc, ensuite, nous allons passer à la conférence. At the beautiful Shrine Auditorium in Los Angeles, with 4,000 people in the audience and millions more watching on TV and on the web. Everything you're going to see in this next hour is brand new code created for the PlayStation 4 and Xbox One. 11 great games presented to you by the talented developers who make them. De Electronic Arts avec Plants vs Zombies Garden Warfare. Une réaction. Oh là là, le nom. Ok. Bon, on va dire que Plants vs Zombies est une licence qui aura fait ses armes aussi à droite à gauche, hein, mais qui est immensément connue sur mobile, il me semble. Enfin, sur PC peut-être, mais sur mobile également. Donc ouais, c'est vraiment une très grosse licence, hein, fait partie de ces nouveaux riches, entre guillemets, du jeu vidéo. C'est-à-dire ces studios qui viennent un peu de nulle part, mais qui arrivent à s'imposer parce qu'ils adoptent des modèles économiques ou des plateformes à succès, voilà, comme le mobile ou comme, quand on parlait de modèles économiques, le free-to-play par exemple. Et donc, Plants vs Zombies, là, dans une version qui n'est pas du tout mobile, hein, mais à destination des consoles nouvelle génération, c'est-à-dire que c'est une sorte, voilà, une sorte de tower defense, je sais pas comment on peut dire ça, quoi. C'est un tower defense, ouais. Oui, enfin, c'est un tower defense. Mais là, c'est en 3D. C'est en 3D à la manière de Horde vs Zombie, par exemple. Enfin, mais là, tu diriges quand même, un truc, tu vises, enfin, c'est pas, c'est du tower defense, en vue subjective avec de la visée, enfin, il y a pas mal de choses, quand même. C'est pas que un tower defense. Ouais. C'est un peu comme Dungeon Defenders ou Ark Must Die, par exemple. Mm-hmm. D'accord. C'est pareil, c'est des tower defense, mais tu contrôles quand même un personnage particulier, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. Ensuite, Need for Speed Rivals, qui là aussi peut faire penser à The Crew dans une certaine mesure, hein, non pas dans la taille de la carte, mais dans le côté, même quand vous jouez en solo, vous êtes connecté. C'est-à-dire que des joueurs, Need for Speed, hein, de la série des Need for Speed, série extrêmement reconnue, mais la possibilité donc de pouvoir voir votre partie, entre guillemets, envahie par d'autres joueurs qui sont en ligne et qui vont jouer... par exemple, le rôle de policier vous poursuivant, ou bien ce genre de choses. Donc, est-ce que ce Need for Speed Rival vous a marqué sur un point? Non. Need for Speed personne? Ok. Bon, attention, c'est du Need for Speed, quoi. Je sais même plus quoi en dire de cette licence. C'est vrai que Claire, je suis arrêté à la PlayStation 1 pour Need for Speed, donc j'ai jamais touché aux autres. Je sais pas comment ça a évolué exactement, donc. Ouais. Mais a priori, c'est vrai que. C'est vrai que quand je regarde là, j'ai pas l'impression que ça aille plus énormément. À part le côté online, et puis pareil, pour ce jeu-là, j'ai l'impression qu'on se retrouve encore avec un monde ouvert. Enfin, plutôt ouvert, hein. Je sais pas si c'est au niveau de The Crew, mais... Non, peut-être pas au niveau de The Crew, mais ça a été présenté comme monde ouvert, en tout cas. Mmh. Et Claire, on a coupé Claire, je crois. Vas-y. Mais non, moi je disais, ça m'amuse, parce que je savais pas qu'il y avait ce mode multijoueur-là dans Need for Speed, et en fait, dans Watch Dogs, c'était un peu la même idée, c'est-à-dire que quand tu joues en solo, il y a un joueur qui peut envahir ta partie pour genre te traquer. Mais puis ça me fait marrer parce que c'est vraiment inspiré de Dark Souls au final. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a beaucoup. C'est exactement la même réflexion. Ah, mais c'est exactement aussi, ça. Oui. Non, c'est pas inspiré de Dark Souls, c'est inspiré de Demon's Souls. Ouais. Non, mais bon. j'aime bien taquiner. De la série des Souls. Ensuite. C'est à mon sens un des meilleurs modes multi qui a été inventé, je trouve. C'est le plus innovant, le plus. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, c'est pertinent puisque on se rappelle que au début de cette génération, quand le multi a commencé à devenir, on va dire, une caractéristique importante des jeux, c'est-à-dire un plus produit véritable, on a vu effectivement des développeurs qui s'amuser à ajouter du multi sur des jeux, sur des genres qui ne s'y prêtaient pas vraiment. Ouais, c'est ça. Et quand on a des idées comme celle de Dark Souls, l'ascension, c'est ça. Comment? Avec ça. Vraiment, oui, God of War Ascension. God of War Ascension est arrivé extrêmement tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une sorte de mouvement de panique où tout le monde commençait un peu à mettre du multi un peu à droite à gauche et dans chaque jeu sur des choses effectivement qui n'étaient pas très très pertinentes. Et c'est vrai que là, Demon's Souls a apporté effectivement donc la dimension multi, mais sans pour autant la détacher de l'expérience solo. Et ouais. Ça a bon, été. Après, ce dont tu parles, donc forcer un peu les modes multi. Bon, je sais que c'est pas le sujet, mais on fait vite fait une parenthèse. Si ça non, mais pas. Ça parle de. Effectivement, ça. Pour moi, je trouve que ça me dérange. Enfin, moi, ça me dérange, voilà, d'avoir un multi un peu forcé, voilà, sur un truc qui s'y prête pas vraiment. Ouais. Après, est-ce que ça a pas aussi influencé des développeurs pour trouver des idées sur des multi? Regarde, je pense par exemple à Assassin's Creed. C'est pas un jeu qui était voué au multi dès le départ. Ils ont eu l'idée de mettre un multi au final. C'est devenu un peu sympa, tu vois. Donc, ils s'en sont bien sortis. Ça a aussi des bons côtés. Ouais, mais enfin, je veux dire. Tu sais que tu as la technologie, ça veut dire tu sais que les consoles vont à peu près être connectées, etc. Donc, donc à toi de trouver l'idée. Tu vois. Donc c'est oui, vraiment. Tout à fait. Donc après Need for Speed Rivals, nous allons passer à la Sainte Trilogie. Je ne sais pas si vous avez deviné. Pas du tout. Want to take the possession of the ball, and you have to take some risks sometimes. But this is how we understand the football. NBA Live, FIFA, Madden. Suivant. Non, il faut simplement dire que NBA Live revient. Ça faisait deux ou trois épisodes qui n'en sortaient plus, par peur de croiser la série des NBA 2K, des NBA 2K de 2K Sports. Et voilà, NBA 2K est une série donc de jeux de basket hein, qui ouais. domine, enfin qui finalement hein, domine tellement le marché qui s'est imposé durant cette décennie, outrageusement tellement le marché voilà outrageusement ouais, si on veut que Electronic Arts a tout simplement alors que Electronic Arts a l'habitude hein, de sortir des jeux de sport de façon annuelle d'accord que ce soit FIFA que ce soit Madden et ben c'était aussi donc le cas de la série NBA Live FIFA a tout simplement décidé d'annuler, je crois, deux ou trois épisodes, tout simplement, pour ne pas que les joueurs aient une mauvaise impression de NBA Live, en se disant, si oui, si on fait une mauvaise impression maintenant, ouais. ça va être assez difficile. Quelques années, ce serait bien. Voilà, mais bon, en tout cas, NBA Live revient sur les prochaines générations, sachant que ce qui avait aussi vraiment, vraiment enfoncé le clou, hein, concernant, on va dire, le combat, la lutte entre 2K et NBA Live, c'est que Michael Jordan, pour la première fois, depuis 20 ans, avait accepté de prêter son image à un jeu vidéo. Hors de. Dire de depuis Space Jam? C'est exactement ce que j'allais dire. Hors de Space Jam. Mais dans un jeu vidéo de sport, hein, de basket, je veux dire. Pas de baseball. Et c'est la première fois, donc, que Michael Jordan prêtait son image. Et donc, il est sur la jaquette. C'est quelqu'un qui, en tout cas, est présent dans le jeu, qui s'est impliqué dans le marketing. Et donc, voilà. Et NBA Live était vraiment au fond du trou. Là, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont revenir. Ils nous ont montré quelques extraits sur la motion capture, ce genre de choses. Mais bon, c'est encore à voir. Sachant que NB2K est toujours vivant. Mais nouveau petit venu, hein, UFC. C'est, vous savez, c'est l'espèce de jeu, enfin pas de jeu, mais c'est pas nouveau, compétition c'est... de oh combat non, c'est pas nouveau. Très très violent. Quoi. Et Electronic Arts a absolument mis la main sur la licence UFC. Donc ils peuvent utiliser tous les noms et tous les noms de stades. Donc ça ah d'accord. Un peu parce qu'avant ils appelaient ça MMA, non? C'est pas ça? Non, c'était UFC Undisputed 2009. Ça a commencé par celui-là, chez THQ justement. Ouais. Et jusqu'à 2010, je crois. Je crois qu'il y a eu trois versions, plus une version PSP. Ouais. Après, ça a un peu disparu puisqu'il y a eu des problèmes chez THQ. Exactement. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que THQ donc avait mis la main sur la licence UFC, ce qui Electronic Arts s'était un peu senti pris de court. Voilà. Donc ils avaient lancé l'année suivante MMA pour les contrer. Ou après la lutte n'a pas vraiment duré, ça a un peu disparu et là on. Ah non, le jeu était foncièrement mauvais. Pas d'autres termes, hein. C'était très mauvais. D'accord. Face à un UFC qui était très bien réalisé, MMA ne faisait absolument pas le poids. D'accord, mais en tout cas on a senti effectivement que MMA à l'époque, hein, c'est-à-dire il y a 3 ans, était un jeu développé en réaction D'accord. Au succès de UFC. Tout à fait. Exactement. Ouais. Mais du coup, là, est-ce que la licence MMA est droppée? On en sait quelque chose, ça, ou pas du tout? Non, mais Electronic Arts n'a jamais voulu du MMA. C'est juste qu'ils voulaient UFC, et qu'ils se sont dit, bon, comment ralentir le succès de UFC en sortant MMA, c'est tout, tu vois, mais maintenant... Ils l'ont fait en essayant d'attirer un peu le chaland, en montrant des personnes qui étaient des grands noms dans le monde du MMA, comme Fedor, qui est... Julien, ouais. Oui. Voilà. Mais bon, ça a pas pris. Après, c'est une licence qui reste quand même, on va dire, le monopole sur le MMA actuellement en termes de télévision. Là, c'est l'UFC qui rachète au fur et à mesure toutes les licences à droite à gauche pour récupérer des combattants. Donc, vouloir faire une autre licence avec du MMA en utilisant des licences qui sont mortes, je vois pas trop l'intérêt. D'accord. C'est plutôt une bonne chose pour EA d'avoir récupéré l'UFC. Grâce à la mort de THQ, très certainement. Voilà. EA n'a pas eu l'intelligence de recruter Hulk Hogan pour promouvoir. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, UFC, qui sera peut-être l'une des nouvelles séries de sport annuelles d'Electronic Arts, c'est à voir. Ensuite, on va passer du côté de BioWare avec un certain Dragon Age Inquisition. Non, personne. D'accord. Le 2 a laissé un trop mauvais souvenir pour. Non, ça c'est les jeux à Claire, ça. Claire. Non, j'ai même pas joué à Dragon Age. Tristan y a joué là, mais. J'ai pas été jusqu'au bout. Je m'étais arrêté un moment. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que j'avais commencé d'autres jeux à ce moment-là et j'avais décroché. D'accord. Et non, le premier était vraiment en tout cas un excellent jeu, quoi. C'était assez. Pour ceux qui aimaient les RPG old school, c'était vraiment bon, quoi. D'accord. Mais le 2, j'y ai pas touché, mais vu ce que j'en ai entendu, je pense que... Ah, le 2, là, j'avais vu des extraits de vidéos, t'es comme... Ouais. Ça donne pas envie, là. Enfin bon, c'est vrai que là, c'était une honte. Ouais. Après, mais là, Julien, alors que le premier, vraiment, était quand même excellent. Inquisition est peut-être l'épisode du rachat, non? Ils ont eu le temps. Non, mais c'est sûr, potentiellement. Mais bon. Mais je pense pas qu'ils s'amuseront à faire, enfin, ils savent très bien que le deuxième est considéré comme une bouse infâme, donc, je pense pas qu'ils s'amuseront à retenter la même chose. Ils ont pas trop le droit à l'erreur, là, s'ils veulent pas définitivement planter la licence. Ce qu'il faut dire aussi concernant BioWare, justement, c'est que BioWare a connu un immense succès et a bâti sa réputation sur les RPG un peu style Donjons et Dragons, tout ça, quoi. Enfin, tout cet univers un peu médiéval, fantastique. Et il l'avait un peu abandonné. Pendant à peu près 5 ou 6 ans, en développant notamment les Mass Effect, les Jedi Empire, ce genre de choses. Et c'est vrai que Dragon Age, la série Dragon Age était le retour donc aux univers qui avaient fait leur succès. Et c'est vrai que l'épisode numéro 2, qui avait été développé un peu de manière chaotique et un peu rapidement pour être dans les temps, sachant que c'est un épisode qui est sorti après, hein, le rachat de BioWare par Electronic Arts, il faut le préciser également. Et donc voilà, mais c'est vrai que Dragon Age a été une énorme déception, et dans tous les cas, c'est vrai que un mauvais Dragon Age pourrait porter atteinte à la réputation du studio auprès des joueurs et surtout de leurs fans de la première heure. Voilà, donc Inquisition a quand même une certaine pression, même si là, ils ont eu le temps. C'est plus les fans de la première heure que les fans pour la série de Mass Effect, là. C'est pour les Mass Effect, je me fais pas forcément de soucis pour eux, là. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de faire de très bons jeux. Oui. Mais c'est surtout sur la profondeur de jeu. C'est pas toi, Claire, qui leur avait rendu visite, d'ailleurs, BioWare. Avec Laurent. Est-ce que c'était BioWare? Si, oui, il me semble qu'on est allé à BioWare, ouais. Si, ouais, il me semble. Et on vous aviez posé la question d'un Baldur's Gate 3, bon, c'était il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans même. Oui, c'est ça, mais non, il nous avait fait un grand sourire et il nous avait pas répondu. Donc voilà, Dragon Age Inquisition. Ensuite, Star Wars Battlefront numéro 3, développé par DICE, qui est un peu le studio vedette de Electronic Arts. Alors, Star Wars Battlefront, je sais pas si... D'ailleurs, c'est pas Battlefront 3, hein. Non, mais c'est le 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, ils l'ont pas appelé comme ça, il me semble. Non, mais ils l'ont appelé Battlefront, là. C'est Battlefront. Battlefront. Mais c'est le 3, pour dire. Oui, c'est le 3. C'était d'avant, tout simplement. C'est logique, quoi. Voilà, donc, Star Wars, après, peut-être que c'est un reboot, hein. Comme c'est la dis-moi, quand tu vas dire tout à l'heure Mario, tu vas dire Mario 18, c'est ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que Battlefront est quand même moins connu que Mario, tu vois, donc il vaut mieux préciser pour dire que c'est le troisième, donc vous avez peut-être des antécédents avec la série des Battlefront, puisqu'apparemment, la méthode pourrait ne pas changer, ça veut dire que c'est une sorte... Oh. bataille un peu massive dans l'univers de Star Wars, hein, avec tous les Stormtroopers, etc. Et donc, mais cette fois, effectivement, la particularité, c'est que ça a été développé par le studio Star, comme je dis, de Electronic Arts, qui est, DICE. Tout simplement DICE. Voilà. Ensuite, nous avons Battlefield numéro 4. Là, c'est un vrai 4. D'accord. Alors, Camé, est-ce que tu veux parler, je t'en prie? Non, c'est pas moi qui voulais parler, c'est Julien. D'accord, c'est plus Julien, pour moi, vas-y. Ça. Vas-y, Julien. Ouais, c'est, bon, bah, voilà, c'est, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est énorme. D'accord. C'est énorme, graphiquement, un nouveau moteur, c'est magnifique. Le Frostbite numéro 3, ouais. Meilleur rendu de la physique des personnes. Bon, après, le mode solo, je pense qu'il faut juste oublier, hein. C'est aussi bon que le troisième. On va juste oublier ça. Mais par contre, il y a un truc qui est très très bien qu'ils ont remis. Le mode commandeur? Du 2. C'était le mode commandeur. Et donc, il sera aussi jouable depuis sa tablette. Donc, tu pourras certainement être toi aussi un commandeur dans tes chiottes, ah oui, gagner des batailles depuis les toilettes. Voilà. C'est à ça que servent les tablettes. Hein. Voilà, exactement. Mais c'est beau, c'est bien. Bah, le 3 est excellent. Le 4 va amener son lot d'améliorations. Enfin, moi, j'attends ça avec impatience aussi. D'accord. Donc, on rappelle un Battlefield. C'est vrai que c'est toujours aussi impressionnant, ouais. Voire plus impressionnant encore en termes de photoréalisme, ce qu'ils arrivent à faire, c'est assez bluffant. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai moi, que je suis pas du tout fan de FPS, mais c'est vrai que là, on ne peut que reconnaître. Voilà. Concernant Battlefield, c'est une série en fait qui a connu son succès grâce à un multi complètement démentiel, hein, dans lequel on pouvait sauter d'un avion pour atterrir dans un char et ensuite se cacher derrière un muret, tout ça. Donc c'était totalement hallucinant. Il y avait effectivement avec des environnements destructibles surtout, non? Une échelle extraordinaire. Les environnements destructibles, c'est à partir du 3. Hein. Ah oui, c'est ça. Si on prend la série, on va dire, originale. Historique. Hein. Ouais, d'accord. Pas les Bad Company. Hein. Et là, en fait. Bad Company 2, je crois qu'il le faisait aussi. Oui, tout à fait. Non, mais je dis que c'est juste un peu à part. Oui, d'accord. Et on peut voir, là, pour ce qui nous a été présenté, c'est que je crois que Medal of Honor vient de Electronic Arts, c'est ça? Oui. Il me semble. Medal of Honor, voilà. Mais Medal of Honor, c'est ça, malheureusement, voilà. Le studio Danger Close a fermé. Pardon. Mais c'est exactement ça, c'est que la série, en fait, Medal of Honor, qui, on va dire, est à l'origine, hein, de Call of Duty. Ça veut dire du solo Call of Duty, très sur rail, avec plein de scripts, et très impressionnant. Et n'a pas eu de seconde jeunesse. Et ce côté un peu rail script et très impressionnant a été maintenant additionné, à la série des Medal of Honor, qui donc profite d'un multi, qui est toujours aussi fou et ambitieux qu'auparavant, mais cette fois aussi additionné donc d'un solo voilà archi scripté et archi impressionnant avec des moments qui se veulent des moments forts, etc. Donc là, ce Battlefield 4, en plus avec un nouveau moteur, hein, bien sûr, le Frostbite Mode 3, c'est vraiment vraiment vraiment du lourd pour Electronic Arts, et donc on va voir ce que ça a donné, bien sûr, hein. Mais en tout cas, notre camarade Julien est très excité par cette annonce. Ouais. Je pense que c'est vraiment avec le 3, ils se sont remis sur les rails. Ouais. Puisque bon, la licence était quand même assez vieille, hein. Le 2 était sorti il y a à peu près 5 ans avant le 3. Donc, le temps de se remettre dans la course avec des Call of Duty qui étaient bien implantés, malheureusement. Le 3 démontrait quand même qu'il avait tout à fait sa place et bien même plus que celle de Call of Duty. Là, avec le 4, on va vraiment voir, je pense, une bonne grosse compétition entre les deux. Et il est possible, après, ça c'est mon avis et c'est ce que j'espère aussi, hein, honnêtement, que Battlefield 4 se démarque beaucoup plus en termes de vente qu'un Call of Duty qui a, somme toute, a l'air sorti encore d'un autre âge, hein, comme d'habitude, je dirais. Ça fait trois épisodes, trois fois que on a toujours le même moteur. Et nous allons terminer avec Mirror's Edge numéro 2. Comment tu dis? Mirror's Edge. Ah voilà. Ah, parce que je pensais que c'était une nouvelle licence que j'avais loupée. Non, non, c'est très bien. Donc là, ouais, Mirror's Edge, je peux en parler. Je t'en prie, Camé. Ouais. Alors Mirror's Edge, j'ai beaucoup aimé le premier. Enfin, j'ai bien aimé, on va dire. Je peux pas dire j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé. Oui. Je trouvais que c'est un très bon jeu. Je l'ai payé 8 €. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai beaucoup aimé. 9, hein. Je tiens à le préciser. Je fais pas d'occasion. Et ce qui me surprend, c'est que j'ai été voir les chiffres de vente. Le jeu s'est vendu à quoi, 600 000 exemplaires. Et je vois plus de, je sais pas combien de millions de personnes, de joueurs, qui réclamaient Mirror's Edge 2 comme étant, on va dire, le Messi chez EA. Enfin, le jeu le plus attendu chez EA, tu vois. Ouais. Et en fait, je comprends pas vraiment ce paradoxe, paradoxe-là. Déjà, concernant Mirror's Edge, hein, pour préciser, c'est simplement un jeu qui se joue en vue subjective, mais donc Electronic Arts, mais dans lequel effectivement on ne met pas en avant l'utilisation des armes, mais juste l'utilisation de votre corps. Il y a ce qu'ils appellent, je sais pas, le body awareness, j'en sais rien, mais effectivement donc l'idée est d'être une sorte de Yamakasi, j'en sais rien, et donc de sauter sur les murs, de s'accrocher à des tuyaux et d'échapper plutôt que de se confronter réellement. Et voilà. C'est vrai que c'est un jeu qui, bon, après, peut faire penser à un jeu qui s'appelle Breakdown, qui était sorti à une époque, donc c'est pas la première fois que on dirige juste son corps en vue subjective, sans armes, enfin, réellement. Mmh. Mais c'est un jeu, effectivement, qui était quand même assez mature sur le gameplay, pour un premier essai, en tout cas, à ce niveau-là, réellement. C'est vrai. Juste un petit reproche, je trouvais que c'était un petit peu trop propre, voilà. Que l'univers était trop beau, trop propre, on était vraiment dans l'idéalisme parfait, pas une tache sur le sol, les murs impeccables, ça me gêne un tout petit peu. Bon, après, une fois que t'es dans le jeu, ça va, mais je trouvais ça un tout petit peu, voilà, exagéré. Ouais. Mais c'était tout simplement un jeu donc qui était développé par DICE, hein, aussi, que nous avons cité tout à l'heure, mais Mirror's Edge était tout simplement un jeu qui n'était pas amené à être un blockbuster, c'est-à-dire que c'est plus un jeu qui était, enfin, Electronic Arts a donné le feu vert, les mecs l'ont fait dans un temps que je ne connais pas, mais c'est voilà plus un jeu comme ça, cadeau, bonus. Après, ouais, mais je trouve que c'était une belle prise de risque, voilà, de faire un truc qui sorte un peu de l'ordinaire. Mais c'est pour ça que les murs sont blancs, une expérience un peu différente et ça a été mal récompensé par rapport au succès. En fait, ça donne raison, c'est ça qui me dérange, c'est que ça donne raison au final à tous ces jeux de tir vue subjective qu'on voit et qui apparaissent. Et qui se vendent beaucoup mieux qu'un jeu qui va essayer de faire autre chose. Oui, mais par exemple, c'est un petit peu ce qui me dérange. Dans Mirror's Edge, tu n'as pas de multiplayer. Le jeu, qu'on dise, a eu effectivement une réputation après coup. Mais ce que je veux dire, c'est que Mirror's Edge n'est pas non plus un 96 sur Metacritic. Tu vois, c'est que c'est au fur et à mesure des mois qu'il y a eu une sorte de hype hein, sur Mirror's Edge, qui est sorti un peu de voilà, on ne sait où. Mais quand le jeu est sorti, oui, c'était juste l'un des jeux sympathiques de la Xbox. 360 et de la PS3, mais c'était pas non plus le BioShock, et là je parle du 1, tu vois, c'est pas non plus un électrochoc, Mirror's Edge. Oui, mais c'est pour ça aussi que je suis étonné de l'attente des joueurs autour de Mirror's Edge 2 depuis des mois. Chaque E3, on est là, Mirror's Edge 2, non. Ce qui s'est passé, d'ailleurs, je pense, c'est même pas un 2, hein, c'est une sorte de reboot du premier. Hein. Ouais, c'est un reboot. C'est un préquel. C'est un préquel. Ah, c'est un préquel. D'accord. Oui. Mais c'est vrai que je crois que ce qu'il y a, enfin, auprès de la communauté des gamers, hein, ce qui a peut-être justement fait, en tout cas voilà, qui a fait grandir un peu ce mouvement pro Mirror's Edge, c'est que après la sortie de Mirror's Edge et après justement les premiers mois de vente, Electronic Arts a été catégorique et a dit Mirror's Edge ne s'est pas assez vendu, la licence voilà, est terminée. On arrête les La licence est finie. Et c'est vrai que les mecs ont commencé à s'équiter un peu. Et c'est justement à force de voir donc des gens réclamer Mirror's Edge 2, qu'ils ont finalement décidé de relancer le truc. Peut-être sûrement pour voir, voilà, est-ce qu'on donne une seconde chance à Mirror's Edge. Voilà, mais bon, on n'a pas vu grand-chose et je ne sais pas justement si Electronic Arts a aussi de grands espoirs sur cette licence. Mais bon, c'est à voir. Donc ça, c'était pour Electronic Arts. Okay. Maintenant, nous allons passer à la conférence Sony, en tout cas aux jeux qui ont été présentés durant la conférence Sony. Alors, on va déjà commencer par la PS Vita. Hein. Simplement, il y aura 85 nouveaux jeux sur PS Vita, dont Final Fantasy X, Final Fantasy X-2, God of War Collection, Flower, Dead Nation, et le Walking Dead de Telltale, qui a eu un immense succès sur les différentes plateformes. Et donc voilà, ça c'est juste pour la PS Vita. Il faut aussi savoir que Gaikai, le service de cloud gaming dirigé par David Perry, permettra de faire tourner des jeux PS3 dans un futur proche. Hein. Sur la Vita ? Oui, oui. Là, nous sommes toujours sur la Vita. Mmh. Et très certainement aussi, bien sûr, sur une console sur qu'on PS4. Appelle la PS4. Ensuite, donc, nous ont été présentés du contenu exclusif pour des jeux PS3, notamment sur Batman Arkham Origins, sur GTA numéro 5, d'accord, qui aura un bundle spécial GTA, ainsi qu'un casque, et sur Diablo numéro 3, parce qu'il y aura des items exclusifs, donc à la version PS3. Ensuite, pour les jeux purs PS3, nous avons eu le retour de Puppeteer. Mm-hmm. Je sais pas si vous voyez l'espèce de jeu de plateforme qui se passe sur une scène de théâtre. A short time ago, in a galaxy far from far away, prepare for an astonishing adventure, full of mystery, full of danger, and full of artistry. At stake were not just one boy's fate, but the fate of the whole moon, and the earth, and the sun, and galaxy. As the clash grew even clashier, the boy snipped, sliced, and sundered with the cold realization his life counted on it. Très très beau. Beyond Two Souls de David Cage, avec oui. Cette fois de nouvelles phases qui ont été présentées, hein, un peu surprenantes, peut-être. C'est un nouveau film là encore. Non, mais c'est Non, là, cette fois-ci, non, au contraire, ça a l'air d'être un peu différent. Et ouais. On a l'impression d'avoir une sorte de jeu d'action entre les mains au final. D'accord. Mixé avec des vrais éléments de tu sais, un peu gameplay. Le côté artistique qu'ils ont eu ouais. pour Heavy Rain et compagnie. Ouais. Ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal du tout. Et vous avez apprécié Heavy Rain? Okay. Moi, beaucoup. Moi, j'avais bien aimé aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, bon c'est après, un style, Heavy Rain, hein, c'est cette fois communiqué sur l'abandon des QTE. Donc il n'y aura plus X croix qui vont s'afficher à l'écran. On va se faire par les sticks analogiques et par d'autres trouvailles de gameplay, mais en tout cas, ils ont insisté sur la non-utilisation des QTE, d'accord ? Et nous a été présenté aussi une phase qui se passe dans une espèce de guerre dans un pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, je n'en sais rien, mais ça permet de montrer que Beyond Two Souls va être une aventure qui va se dérouler déjà à différents âges, d'accord, de l'héroïne, Ellen Page, mais aussi dans différents décors, etc. Donc c'est un jeu qui est assez qui vous permettra de voyager autant par le gameplay que par la direction artistique et les lieux que vous allez visiter. Ensuite, Gran Turismo, 6 annoncé pour cette année, si ça arrive, hein, d'accord. Oui, ça a toujours été la bonne blague, ça, chez Polyphony. Donc, parmi les jeux présentés sur PlayStation, en tout cas dans la conférence PlayStation, nous avions Transistor. Non. Transistor, non. Oui, par les créateurs de Bastion. That's our way out. Okay, E64 on-ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Left. Mais ça ressemblait beaucoup à Bastion, en fait. Voilà. Enfin, ça ressemblait même trop à Bastion. Enfin, on n'y a pas joué, mais bon, ça ressemble à Bastion. Ça veut dire une sorte de vue en isométrique, c'est ça ? En 3D iso. Bah, le gameplay a l'air vraiment similaire. Enfin, j'ai joué à Bastion il n'y a pas très longtemps, ouais. Et en fait, ça ressemblait vraiment à Bastion en plus moche. D'accord. C'est vrai que ça m'a choqué à ce niveau-là, je le trouvais moins beau que Bastion. Oui. Tristan, pour une présentation de PS4, a priori, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de mettre ça en avant. Enfin, c'est pas les graphismes, je crois que c'était surtout l'univers graphique qui me dérangeait, puis que je trouvais pas beau. Je le trouvais pas particulièrement attirant, pas de graphique vraiment prenante comme ça pouvait être le cas sur Bastion ou beaucoup de jeux indépendants en général. C'était assez terne en fait. C'est de l'indépendant là, c'est ça ? Ouais. Là on est dans les indie games qui ont été présentés dans la conférence Sony. Sachant, oui, que donc Bastion, c'est une sorte de petit jeu d'aventure hack and slash, enfin un peu action, quoi. et dans lequel, enfin, qui s'est démarqué par le fait que le narrateur de l'histoire raconte aussi vos actions, c'est ça? C'est qu'il commande vos actions et... Enfin, je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus, Claire. Je sais que l'univers était pas forcément super joyeux. Enfin, en fait, il est là, t'as l'impression qu'il est mignon, mais l'histoire est vraiment un peu noire derrière. Ouais. Et je me rappelle plus comment se passait la narration. Je sais qu'il y avait une grosse voix derrière, mais... La caractéristique de Bastion, quand même. C'est comme ce qu'il a fait ressortir du lot. Qu'il y ait un narrateur derrière. Je sais que la narration était cool, mais c'est vrai que ça m'a pas forcément plus marqué que ça. Enfin, le jeu m'a pas non plus plus marqué que ça. J'ai pas forcément compris pourquoi il a été aussi, il a reçu un tel éloge en fait. D'accord. Mais en tout cas, peut-être que cette histoire de la narration et de la qui est couplée donc à vos actions sera reprise dans Transistor. Donc, on va voir. Ensuite, donc, je vais citer des jeux à la suite, toujours les indépendants. Et donc, si vous voulez réagir, mais bon, on va quand même aller assez vite parce qu'il est assez dur de décrire les jeux indépendants. Donc, Don't Starve, Mercenary Kings, Octodad, Secret Show. Qui a fait pas mal couler d'encre, Octodad, ouais, Octodad en disant que c'était pas un jeu, on va dire, next-gen, que c'était... Est-ce que tu peux décrire ce que tu as vu qu'est-ce que Octodad... C'est des pieuvres, je crois. Oui. Alors, c'est tout ce dont je me souviens, ça m'a vraiment pas marqué. Je me rappelle que la cinématique, j'étais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une simulation de pieuvre ivre, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Oui. c'est vraiment ça. J'ai pas compris, en fait. On avait l'impression d'être sous drogue quand on regardait ça, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Hein. D'accord. Donc voilà, ça c'était Octodad. Bon, après qu'il vous a laissé au moins une impression. C'est ça, Secret Poncho. Raise Dead, Oddworld New and Tasty. Oui, ça j'ai pas compris ce qu'ils faisaient là, Oddworld. Parce que ça fait quand même partie des grosses licences, en tout cas sur PS1. Oui, je sais pas ce qu'ils faisaient au milieu des indépendants, je trouve ça mérite vraiment d'être plus mis en avant. Tu as tout dit. Oddworld Inhabitant, c'est pas une grosse licence de la PS1. Studio, quoi. Tu vois. Donc je pense qu'entre temps, Oddworld Inhabitant, ça. Qui détient les droits a peut-être un peu chuté, quoi. Non, c'est sûr, mais je veux dire, il mériterait quand même plus de mise en avant que de tourner au milieu de Don't Starve et pour Oddworld, c'est un remake en plus. J'ai pas vraiment compris l'intérêt en fait. Non, mais c'est déjà... ça a l'air d'être le remake qui aurait dû sortir il y a quelques années sur PC notamment, parce qu'ils avaient déjà fait un remake, mais les graphismes n'étaient pas améliorés, la maniabilité était dégueulasse, il y avait des bugs. Enfin, ils avaient fait des remakes complètement ratés, et là, a priori, il a l'air... Ouais, non, parce que le Oddworld, tu peux le trouver sur Steam et sur Google Games, sur PC, enfin, c'est peut-être... Ouais, mais ils se plantaient, c'est des remakes vraiment ratés. Non, mais Oddworld est une grande série, en fait, quand je dis une grande série, c'est une série, en fait, à plusieurs épisodes, qui a connu son heure de gloire sur PS1. 5 jeux, je sais plus, il y en a 4. Non, je crois qu'il y en a 4. Ouais, il y en a 4 prévu pour 5, ils ont dû faire que 4. Exactement. Mais c'est une série en fait donc très ambitieuse qui a connu son angle de gloire donc sur PS1. Ensuite l'exclu avait été récupéré par Microsoft pour la Xbox numéro 1 et c'est vrai que là nous sommes dans le retour de la saga avec tout ce mouvement autour des petits jeux et c'est vrai que Oddworld aujourd'hui, si on prend le premier épisode ça reste un jeu en téléchargement de 2013. On peut pas faire mieux que ça. Ensuite, nous avons un jeu qui s'appelle, toujours parmi les indies, qui s'appelle Outlast. Oui. Et ou bien Outlast Galaxy. Enfin bon, voilà. C'est le titre complet. Outlast, je crois que c'est tout. J'ai que Outlast. Voilà, mais peut-être t'as un titre qui s'appelle Galaxy. Enfin, mais qu'importe. Donc ça, ce sont des jeux qui ont été présentés indépendants. C'est-à-dire petit développeur, petite équipe. Red Barrels. Dans la conférence, nous allons passer au jeu, cette fois PS4, c'est-à-dire au jeu un peu plus attendu et un peu plus impressionnant. On a eu tout d'abord Final Fantasy Versus 13, qui est devenu Final Fantasy 15. Alors, ça fait rire. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le contexte? On va commencer par... クリスタルか言わずとも この世界に残された最後のクリスタル。 Ouais. Bah, disons que avec Claire en partie, si à la base on s'était acheté une PS3, c'était pour quelques jetons Versus 13 et The Last Guardian. D'accord. Donc, et non, bah du coup c'est vrai que c'était un jeu que j'attendais quand même pas mal. Bon, ah, vous avez eu le nez creux, hein. C'est clair. Non, mais c'est vrai que c'était quand même des jeux qu'on attendait beaucoup. Le truc qui me dérange un peu, c'est qu'il y a FF13 qui est passé entre temps, qui a mis quand même une bonne baffe dans le mauvais sens. Donc c'est vrai que là on est un peu plus inquiet, on va dire. Et bah, les vidéos, enfin graphiquement, vraiment il est très beau, tout ce que tu veux, mais ça a plus franchement l'air d'être un RPG, c'est devenu un action RPG assez bourrin. Mais ça l'était déjà dès le départ, hein. Ils nous ont jamais dit que ce serait un Final Fantasy classique, c'était un peu plus dans l'esprit. Au départ, oui. Oh oui, mais ça c'était dès le départ, on le savait, que c'était un peu plus dark et surtout un peu plus action qu'un Ah mais dark en fait, je veux dire au niveau de l'ambiance, ça me faisait pas mal penser au set, je veux dire les villes, ouais, etc., ça. Les costumes, ouais, etc. Très noir, très. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je veux dire au niveau de l'ambiance, mais du coup, je veux enfin le set de la partie. Mais en termes de gameplay, c'est exactement ça. Hein. Ils ont pas menti, ils sont restés sur leur ligne de conduite. Ça a toujours été une sorte de Kingdom Hearts un peu plus noir. Justement, quoi. Il me semblait justement que c'était quand même beaucoup plus. Enfin, le côté RPG était quand même plus présent dans les premières vidéos de gameplay qu'on voyait sur le 13 versus. Oui, moi je vais. Je suis pas sûr. Non, c'était vraiment très très action. Ah. Parce que là, notamment, c'était moins le cas pendant la conférence Sony. Sûr que là, ils l'ont que les vidéos qu'ils ont remis après, mais tu te rends compte qu'il y a même quand même des côtés plateforme assez violents, le gars qui s'accroche sur les murs avec son épée qui saute, on se croit un peu dans Assassin's Creed sur les bords, c'était pas quelque chose qui avait été mis en avant jusqu'à présent. Il se tape aussi un espèce de gros boss, il lui saute dessus, etc. J'ai un peu l'impression d'avoir un God of War, enfin ça me... Non mais c'est vrai que c'est un Final Fantasy qui s'inspire de toutes les tendances à peu près que nous avons vu émerger durant... ces 5 dernières années. C'est un peu, on va dire, c'est un peu le lot de Square Enix sur ses licences, de cette volonté de s'occidentaliser, d'essayer de tout faire comme, enfin pas tout, mais essayer de ressembler au maximum à des jeux occidentaux, hein, on va dire. De rattraper. Ouais, mais justement, ce qui me plaisait chez Square Enix, c'est qu'ils avaient leurs pattes, puis j'ai pas spécialement envie qu'ils ressemblent à, enfin qu'ils s'inspirent d'autres jeux. Tu veux dire Squaresoft forcément... Ouais. Ouais, voilà. Ouais, bon, non, c'est sûr, bon, mais cas, je veux dire. Oui. Enfin, j'ai pas envie qu'ils s'inspirent d'autres jeux, occidentaux, puis qui me plaisent pas forcément. Enfin, Je sais que c'est la mode en ce moment, les trucs bourrins, là, mais c'est pas forcément mon trip à moi, perso. Puis je pense que c'est pas le trip de tous les joueurs du monde non plus. C'est pas ce que tu recherches quand tu veux jouer à un Final Fantasy, surtout. Ouais. Oui, voilà. Enfin, voilà, après, le jeu aura beau être mauvais ou bien, ou ce que vous voulez, il se vendra toujours parce qu'il s'appellera Final Fantasy. Oui, mais combien de temps ça va durer? En fait, pour un peu remettre dans le contexte, c'est vrai que Final Fantasy XIII était un jeu qui était sorti donc sur PS3 déjà sur PS3, qui a été présenté assez tôt, c'est-à-dire dans le tour de 2006 ou quelque chose comme ça, de 2007. Donc ça fait 2006. Un certain temps qu'il était annoncé être en développement. Et c'est vrai que le jeu est rentré dans une sorte de development hell. D'accord, c'est-à-dire, effectivement, les mecs apparemment n'y arrivent pas, même si on avait très peu d'infos, mais en tout cas, il n'y avait pas plus d'infos, et justement, et là, c'était peut-être pas une bonne nouvelle. Mm-hmm. Et entre-temps est arrivé donc Final Fantasy XIII, qui est donc un Final Fantasy canonique, hein, mais qui a justement eu un accueil assez glacial, en tout cas. Ah oui, ça a réinventé les RPG couloirs, hein, c'était bien. C'est vrai que Square Enix a sorti Final Fantasy X2, là il y a Final Fantasy, 13 pardon, 2, Final Fantasy Lightning, on sait rien, et entre temps aussi il y a eu Final Fantasy 14 MMO, qui là aussi c'est un sacré raté a aussi. Connu tellement de problèmes que le jeu a dû être retiré de la vente pour être travaillé pendant un an, j'en sais rien. Dans une licence, c'est une catastrophe. Final Fantasy est actuellement plus bas. Ouais, non, enfin, faut bien éclaircir les choses sur Final Fantasy 13. T'as eu le premier, ensuite t'as eu le 13-2, et là t'as maintenant le Lightning Returns, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Faire qui a l'air assez différent en soi. Je me demande jusqu'où ils vont arriver à creuser d'ailleurs avec la licence, parce que le 13 déjà c'était pas mal, hein, ils avaient fait une belle crevasse. Ouais. Le 13-2, ils avaient commencé à creuser un canyon. Je sais pas, je l'ai pas fait le 13-2, mais j'ai toujours entendu qu'il était quand même moins mauvais. J'ai pas dit qu'il était non, meilleur. Non, c'est une catastrophe. Non. D'accord, ok. C'est une catastrophe. C'est vrai que FF13 versus 13, voilà, donc était annoncé, mais au final, puisque le jeu avait une certaine hype, enfin, deux ans étant donné qu'il était pas sorti, qu'on n'avait pas d'infos, les gens ne pouvaient pas, voilà, enfin, il devient pas plus mauvais, hein. Et alors, donc le but a été d'aller directement sur PS4 et sur Xbox One, d'en faire un épisode canonique. Hein. Et on va voir effectivement, puisque le jeu s'inspire de tout ce qui s'est fait un peu à droite à gauche, donc c'est peut-être l'espoir pour la licence Final Fantasy de revenir en premier plan. Voilà. Ouais. Je vous laisse tester l'espoir avant de me pencher dessus. D'accord. Ouais. Okay, donc ensuite, toujours hein, chez Square Enix, nous avons eu Kingdom Hearts numéro 3. D'accord. Ouais, jeu très d'accord. attendu par beaucoup de fans de Kingdom Hearts. Ouais. Moi, j'avais joué au 1 et au 2. J'ai pas fini. Hein. J'étais assez loin, mais j'ai pas tout fini. Je trouvais ça sympa, l'univers Disney, tout ça. Bon, bah, c'est rigolo. Enfin, c'est mignon, mais après, voilà, c'est pas. C'est une grosse licence pour Square Enix. Pas bouleversé. Oui, c'est une grosse licence. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Y a pas de... En fait, j'ai vraiment l'impression de revenir à quand j'étais au tout début de mes études. Là. Enfin, t'as vraiment l'impression de retourner dans le passé quand tu vois une licence comme ça qui revient. Non, mais Kingdom Hearts, c'est pas non plus une licence de 20 ans, Claire. Ouais, mais ça fait bien 6-7 ans que j'y ai joué, moi, là. Là, nous sommes en plus. Le premier. C'est quand même sorti sur PS2, à la base, hein. Ça oui. commence à dater. Le premier, je crois qu'il date de 2002, hein. Et le deuxième de 2005, si je ne m'abuse. Mais en fait, 2007. Nous sommes dans une situation un peu type Street Fighter, c'est-à-dire que Square Enix a sorti, donc, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts numéro 2, mais a sorti justement plein d'épisodes qui ne sont pas non numérotés. Donc Kingdom Hearts va à la plage, Kingdom Hearts fait ci, fait ça, Kingdom Hearts PSP, tout ça. C'est vrai que les joueurs, enfin les fans en tout cas, n'attendaient qu'un Kingdom Hearts numéro 3. Bon, il aurait pu arriver sur PS3, mais apparemment là ce sera donc directement un jeu PS4. Mais donc c'est vraiment un numéro 3, un peu comme je dis Street Fighter, c'est-à-dire des jeux qui connaissent beaucoup de déclinaisons et qui tournent vraiment autour du pot. Mais donc Kingdom Hearts 3 a cette importance, c'est une licence extrêmement connue, enfin connue mais déjà très très bien vendue pour Square Enix. Donc voilà, ceux qui on espère que les fans vont satisfaits. Qui bénéficient du voilà, de l'aura Disney hein, aussi hein, faut pas l'oublier. Non mais bah ouais, c'est quand même un scénario hein. qui va plus loin que le simple Disney, c'est pas non plus totalement. Ah bah gain, oui, hein, encore heureux, oui. Non, c'est je veux dire c'est très sympa comme jeu. Le 1 était quand même assez basique, à partir du 2 vraiment ils ont fait un scénario qui est quand même plus poussé, plus profond au niveau de personnage. Vraiment c'était déjà un peu plus sombre quand même le 2. C'est ça. Donc, Kingdom Hearts 3, nous allons passer à Watch Dogs, tout le monde connaît, qui est une licence Ubisoft, qui sortira sur Xbox, Wii U, PS3 et PC. Mais il sortira sur Wii U aussi ? Oui. Donc, nous avons eu une nouvelle phase de gameplay sur Watch Dogs, donc, qui était le jeu, entre guillemets, star, hein, la révélation de l'E-Cube de l'an dernier, l'E-Cube 2012. Donc, est-ce que vous voulez rajouter encore un petit mot sur Watch Dogs ? Puisque je crois tout à l'heure que Julien nous disait que The Division était un jeu très actuel, alors que dire de Watch Dogs ? Alors moi, par rapport à ça, justement, je trouve ça super ironique. C'est-à-dire que c'est vraiment présenté, genre, on vous présente les trucs façon super actuelle par rapport à la collecte de données, etc. Ouais. Commercialement, c'est totalement l'inverse. Là, ils ont fait un concours, faut que tu donnes ta photo, ton nom, etc. Puis ça va faire un PNG dans le jeu. Oui. Mais je sais plus ce qu'il y avait aussi qui faisait. Enfin, c'est plein de trucs comme ça où à droite à gauche ils vont récupérer tes données. Je pense qu'il va y avoir Uplay dessus, etc. Puis à côté de ça, par rapport au thème du jeu, Ubisoft, c'est tellement contradictoire que je trouve ça un peu ridicule en fait. En fait, tu parles du paradoxe Fight Club, c'est ça ? Ouais, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par ton paradoxe. Non, ce que je veux dire, c'est que dans Fight Club, on te dit brûler tout, brûler vos idoles et tout ça, et puis derrière c'est Brad Pitt, c'est la Fox, tout ça, tu vois. Bon. Ouais, c'est un peu ça là. Mais dans tous les cas, oui, je veux dire, ils peuvent pas se départir de la, enfin. Il y a quand même une volonté commerciale, bien sûr. Maintenant. Oui, non, il y a une volonté commerciale, mais c'est quand même ironique. C'est de la fiction, là, je crois que c'est le compte officiel de Watch Dogs qui avait mis, le jeu va vraiment parler de ce qui se passe avec Prism en ce moment. Oui, il y a eu une interview récemment sur ça, effectivement. Ouais, voilà, c'est comme arrêtez, enfin, soyez pas focus non plus, là. C'est comme, oui, vous faites une histoire là-dessus, mais présentez pas ça, genre, on est les défenseurs, enfin, ça fait un peu, on est les défenseurs de la liberté, enfin, de la liberté de la protection des données. Enfin, commercialement, t'as un peu l'impression que c'est comme ça, là. Puis, moi, je l'ai pas nécessairement pris comme ça, moi. En tant que libriste, je pense, regardez, tiens, c'est marrant, on parle de, on sort notre jeu et en parallèle, il y a Prism. C'est plus dans le sens coïncidence ou alors on avait le nez creux, mais pas nécessairement dans le sens défense des données ou je sais pas quoi. Je sais pas. Moi, je l'ai pas pris comme ça. Non, mais en fait, Claire est une libriste, tu vois. Donc, elle est sur ces questions-là. C'est peut-être ça qui fait que ça me choque le plus, là, mais c'est comme, en soi, je trouve l'idée du jeu est bien. C'est juste que la façon dont ça se passe commercialement me dérange parce que je trouve ça complètement contradictoire. Puis c'est un peu ironique au final. Ok. Julien, une réaction? Aucune. Je suis pas. Par contre, là, tu vois, sur Watch Dogs, Julien, ça me botte pas plus que ça. D'accord. Moi, je peux dire un truc sur GTA Creed, moi? Je t'en prie. Parce que c'est comme ça que je l'appelle. J'ai lu tout à l'heure. Enfin, ça m'a fait sauter de mon canapé qu'il y avait 600 personnes sur le développement du jeu. Oui, c'est normal. J'ai jamais vu ça. Non, mais tu sais, quand on dit 600, ça prend en compte aussi le Philippin, tu vois. Ah, ouais, non, enfin, quand il dit 600, c'est réparti sur tous leurs studios dans le monde, quoi. C'est-à-dire qu'ils contribuent tous d'une façon ou d'une autre. Qui ont touché au truc. Je trouve ça monstrueux, quoi. Ils ont un réseau de développement monstrueux avec tous leurs studios ouverts à travers le monde. Je trouve ça impressionnant. Et puis, on en parlait l'autre jour en off, tous les deux. L'histoire, donc, je te disais, alors pour refaire la conversation, je te disais, tiens, il serait pas bête d'inclure des fonctionnalités mobiles ou tablettes dans le jeu, mais de vrais mobiles et de vraies tablettes. Et puis bah qu'est-ce qu'on voit juste après? Bon bah ils en font. Donc c'est normal, je veux dire. Ils ont été plutôt bien inspirés, on va dire. Non mais et quand tu intègres un téléphone portable, ce serait dommage de pas en profiter. Ouais. Oui mais et... après voilà, il y en a qui y auraient peut-être pas pensé, tu vois. Donc ouais, là t'as un téléphone portable, le mec, bon bah il te permet d'utiliser ton mobile en vrai, tu vois. Mais le rapprochement se fait très vite. Maintenant j'ai pas l'impression que sur mobile il va se passer des choses de ouf non plus, tu vois. Donc peut-être ou peut-être de la merde, on sait pas. Restons calmes. Donc nous avons Killzone. Nous avons eu la présentation du jeu de Bungie Destiny, grosse vidéo de gameplay. C'est la première fois justement qu'il y avait eu une vidéo de gameplay pour Destiny, et une vidéo quand même assez longue, hein, qui montre l'interaction entre deux joueurs, avec quelques ennemis, quelques décors, quelques artworks aussi. On a une idée aussi un peu sur sur le type d'univers, à peu près. Donc Bungie, développeur de Halo, une très célèbre série de FPS, un commentaire à propos de Destiny. Quelles impressions? Ça m'a un peu fait penser à du Planet Side 2 par côté. Une sorte de mélange entre du Halo, du Planet Side 2 et un petit peu de Mass Effect au niveau de l'inspiration des vaisseaux, etc. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment pas plus marqué que ça. En fait, j'en attendais beaucoup parce que, depuis quelques temps, ça allait être présenté comme la grande révélation, le futur du FPS et ça va marquer un nouveau début. Mais au final, on dirait plutôt un pot pourri de pas mal de choses qui sont bonnes au demeurant, mais bon, rien de révolutionnaire, quoi. D'accord. Claire. C'est un peu comme Tristan, enfin, je sais pas, c'est le genre de jeu, je verrai quand il sortira, voir plus en détail ce que ça proposera, mais c'est vrai que là, pour ce que j'en ai vu, ça m'a pas plus marqué que ça. Ouais. Compte tenu du succès de Halo, hein, sachant que Bungie ne fait plus Halo depuis seulement 2 épisodes, et si on enlève le remake, ça fait juste un épisode sans Bungie. Compte tenu de l'influence qu'a eu Halo sur l'implémentation du genre FPS sur console, oui, c'est vrai que c'était comme on attend un nouvel album de David Bowie. Voilà, tout simplement. Donc c'était quelque chose. C'était vraiment des superstars. Ouais, Julien, mais n'oublie pas que David Bowie a des passages techno bien pourris aussi. Julien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, parce que pareil, en fait, je m'attendais à voir quelque chose un petit peu. Ayant joué à Halo, pareil, un peu comme tout le monde, hein, trouvant la série quand même plutôt sympa, quand on dit que finalement ils vont plus faire de Halo, tant mieux, et qu'ils vont faire une autre série, tu fais ah, et puis finalement c'est un FPS avec des extraterrestres et des hommes en armure. Voilà, et puis voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue, mais il y a toujours des extraterrestres, il y a toujours des, j'ai pas compris. D'accord. Bon, il peut, peut-être parce qu'ils peuvent plus utiliser le thermalo, mais bon. Ah oui, à cause de Nabila. On va voir ce que sera Destiny. Hein. Ensuite, donc toujours parmi les FPS, mais cette fois, on va passer du côté des jeux maison, d'accord. Killzone Shadowfall, bon, jeu de la série des Killzone, qui n'est pas non plus une saga, voilà, enfin, qui a eu un peu son quart d'heure de gloire, et là, on peut vraiment dire quart d'heure, hein, sur, sur PS3, notamment au moment de la révélation de la PS3. Et justement, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur Killzone Shadowfall, que quelqu'un est inspiré? Encore un Killzone. D'accord, bon voilà, au suivant. Alors, ensuite... cette fois-ci, est-ce que ça va être encore de la, de la vidéo, ou ça va être des vraies images de gameplay, là? Ouais, mais là, Julien, je pense qu'ils ont retenu la leçon. Oui. Donc ensuite, on a Knack, dirigé par Marc Cerny, qui est simplement l'architecte de la PS4. Et l'auteur de Kid Caméléon. Oui, qui est un... Et surtout, le créateur et le programmeur de, de Marble Madness à l'époque, hein, qui est quand même son... Voilà, c'est quand même ce qu'il a... ce qui a fait de lui une star du milieu, et c'est quelqu'un qui est resté dans ce milieu, toujours dans la programmation, pendant 30 ans. Mais donc voilà, donc Knack, c'est une sorte de... Qui a bossé sur pas mal d'autres projets, on peut vite féliciter, les Jack and Daxter, et compagnie, Uncharted d'ailleurs. Voilà. Enfin, vraiment, durant ces 30 ans, c'est quelqu'un qui était assez occupé. Sachant que Marble Madness date de 82, il me semble. Et donc voilà, qui est Knack, qui est l'architecte de la PS4. Exactement. Donc Knack, c'est une sorte de jeu d'aventure, on va dire, un peu enfantin. C'est-à-dire, c'est un genre qui avait un peu, enfin, quand je dis un genre, ce côté un peu cartoonesque, pixarien, avait un peu, on va dire, disparu de la génération PS3 PS4. It's a guardian up ahead. You look fierce. Got less than a minute before the sun melts me back down to size. Stay back. On peut penser hein, aussi à ce qu'avait fait Microsoft avec Cameo sur 360, mais c'est un peu ce genre de jeu, quoi. C'est-à-dire dans un univers cartoon, vous dirigez une créature qui peut prendre différentes formes et qui peut, je crois, absorber des pouvoirs, ce genre de choses, quoi. Et donc, absorber de la, tirer de la matière, des trucs comme ça, je crois. Voilà. Mais... Donc, ouais, ça je peux en parler vite fait. Hein, la première fois qu'ils l'ont montré au reveal de la PS4, enfin moi, personnellement, je me suis dit, mais ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on nous montre là? C'est une blague, c'est quoi? En fait, bon, il s'avère que c'est effectivement le style est un peu cartoonesque, un jeu un petit peu familial, tout ça. Mais apparemment, ça a l'air d'être un bon petit jeu d'action. Voilà, on va dire que c'est pour tout public, quoi. Mais, d'accord. Ça va pas plus loin que ça, je pense. D'accord. Donc, ça c'est Knack, ok. Jeu suivant. Si personne n'a rien ajouté, Drive Club. Donc là aussi, tout à l'heure, hein, on peut penser à The Crew, on peut penser à Need for Speed Rivals. C'est qu'en gros, tout le monde va voir son jeu automobile, un peu avec des fonctions sociales, un peu avec un univers en ligne assez enrichi, enfin une expérience en ligne assez enrichie. Donc Drive Club, est-ce que quelqu'un a... Sauf que je crois que The Driver's Club, c'est plus... c'est plus simulation, hein, si j'ai bien regardé, en fait. D'accord. Donc ouais, ça va sur un terrain qui est plus celui de Forza ou des Gran Turismo. D'accord. C'est bien d'avoir un peu de diversité. Il y a pas mal de tuning aussi, je crois, non? Oh merde. Bon, moi j'ai rien dit. Non, mais en fait, non, oui. Je sais pas, c'est une question, je me semblais, mais peut-être que je me trompe. J'ai pas trop vu grand chose. J'essaie de pas trop non plus me donner envie pour pas être trop déçu après. Notamment, d'accord, par exemple, avec The Last Guardian. Hein, d'accord. Mais ils n'ont jamais dit qu'il était annulé. D'accord. Donc, concernant, en fait, Drive Club, il faut savoir que même dans le titre, le titre est un mot dièse. On pourrait appeler hashtag en anglais. Ça veut dire que c'est dièse Drive Club. Donc voilà, pour insister sur le côté social, en référence, bien sûr, à Twitter et à ce qu'a adopté aussi Facebook récemment. Donc, on peut dire un truc sur Drive Club, c'est qu'une version multijoueur sera dispo gratuitement sur le PSN Plus au launch de la console. D'accord. Voilà. Avec des fonctionnalités en moins. Oui, une version light, on va dire, uniquement multijoueur. D'accord. D'après ce que j'ai compris, qui sera disponible. D'accord. Donc Drive Club. Ensuite, on peut évoquer, qui n'est pas maison, mais The Witness de Jonathan Blow, créateur de Braid, qui était, enfin, Braid, hein, qui avait d'abord été lancé sur Xbox 360 à l'époque, qui est un peu, on va dire, le jeu star à l'époque de la gamme des jeux indépendants présentés sur console. Je sais pas si on peut dire, il y a eu un avant et un après Braid, mais en tout cas, c'est un jeu qui avait été extrêmement marketé à l'époque, et qui a très certainement justement attiré des joueurs vers l'expérience des jeux qui se téléchargent. Maintenant donc, The Witness, cette fois, il reste avec Sony, d'accord, il abandonne totalement Microsoft, apparemment il y a eu un vrai divorce. Donc The Witness, c'est donc une sorte de jeu dans un univers peuplé d'énigmes. On a l'impression d'être un peu dans la saga Myst. Des frères Miller, il me semble. Donc Myst, qui était quand même à l'époque, hein, l'un des, le jeu PC le plus vendu, ou quelque chose comme ça, enfin, qui était un petit phénomène dans les années 90. On a l'impression, voilà, de revenir dans ce type de jeu qui avait un peu disparu, même sur PC, hein. Donc, est-ce que quelqu'un est impressionné par The Witness, le peu que nous avons pu voir? Non? D'accord. Donc. Non, pas outre mesure. D'accord. Donc. Après The Witness de Jonathan Blow, on peut parler de Infamous Second Son. Donc là, nous sommes aussi sur la saga Infamous, qui est apparue sur PS3. Et une sorte de jeu dans un univers un peu ouvert, dans une ville. Un individu, souvent jeune, un homme, qui absorbe des pouvoirs et qui essaie de protéger la ville comme une sorte de super-héros, quoi. Mais c'est vrai que... Bah, ou pas. Est-ce que quelqu'un veut présenter Infamous? Oui, non, Infamous, Second Son, en l'occurrence. Hein. Non, pas forcément Second Son, mais au moins la licence. Enfin, ça se rapproche, quoi. C'est la même chose, ouais. Oui, c'est la suite, chose, en tous les cas. Donc, en gros, monde ouvert, on joue dans une ville, on a un gentil héros, on va dire, qui peut devenir méchant aussi, et qui a des pouvoirs électriques, et qui a des petites missions, un peu, comme un GTA, on va dire, avec des pouvoirs spéciaux, voilà, qui sait se déplacer sur les lignes électriques, un truc bien, enfin voilà, le joueur, c'est un gros badass de la mort, et c'est censé être un super héros de comics. Enfin, un super héros, super méchant, soit, c'est... D'accord. Exactement. Mais c'est vrai que ce qui était marquant avec la vidéo qui nous a été montrée, donc de Infamous Second Son... ...by the space, Neo, always wanted to see it, and then we're back home to save some lives. You do realize when we hit the town, there's a fair chance the town's gonna, you know, hit back. C'est justement le côté cette fois ado très dérangé, etc. quoi, qui rappelle un succès cinéma datant d'il y a un an, Chronicles. Je sais pas si vous avez entendu parler. Oh mon Dieu, c'était horrible. Et Chronicles, c'est exactement ça. Ça veut dire des jeunes qui sont pas spécialement en difficulté, quoi. Mais le rapprochement entre Second Son, Infamous, hein, et Chronicles, donc succès cinéma. Qui a enfin pas un immense succès, mais par rapport à son budget, c'est un film qui a très bien marché. Il y aura très certainement des suites à Chronicles. Et c'est vrai qu'on sent, oui, qu'il y a eu une grosse inspiration, et les fans de Chronicles pourraient effectivement se retrouver très bien dans ce Infamous Second Son. Donc, enfin, comme je dis, surtout sur le côté ado perturbé, un peu, etc. Ouais. Quoi. Je trouve que le jeu en jette, enfin, ce qu'ils ont montré, les nouvelles possibilités, pour celui qui a joué aux deux premiers, qui a un petit peu apprécié, je trouve que ça en jette, voilà, c'est une nouvelle possibilité, des nouveaux pouvoirs, tout ça, et puis graphiquement, c'est assez impressionnant, effectivement, ouais, je pense que ça peut être un bon jeu de la PS4, ouais. D'accord. Ensuite, nous avons eu une présentation de... I can never get that last one right. Fashta Malavi. I it was on the tip of my tongue. I knew it. Damn. I am so sorry. No problem. We'll just take it again. Wow, dude. Totally freaked me out. I scared the crap out of me, man. Oh, excuse me, if I may, I just have a quick word about the script. About the script? Yes, as my character is rather complex, I want to make sure I'm conveying all facets of his psychology. So, I ask myself whether this hatred that is consuming him isn't emanating from... You know what? Don't change a thing. You were great. Okay, everybody, let's take it from where we left off, if you're all ready. Hey, hey. Name's Maurice. How you doing? David. All David right, Gant. First time in a video game? Yes. Yeah, welcome to hell. Okay, let's do it again. The Dark Sorcerer, c'est ça? Oui. Jeu de... Enfin... De Quantic. C'est pas jeu, mais c'est que, si voilà. C'est un jeu. Il y a une tradition c'est maintenant une chez démonstration technique. Voilà, exactement. Qui est de faire des petites démonstrations techniques, enfin des petits courts-métrages techniques, puisque c'est exactement ça. Donc nous avions eu à l'époque The Casting, hein, pour Heavy Rain. Et là, on se retrouve avec donc The Dark Sorcerer, qui est là donc pour vanter les qualités du moteur, hein, et toute la puissance de la PS4. C'est phénoménal. Exploité par Quantic Dream. Donc là, c'est un petit court-métrage, hein, parce que c'est vraiment ça, qui dure au total 10 minutes, et dans lequel, effectivement, bah, nous voyons un sorcier, enfin, qui veut parler un peu de The Dark Sorcerer, la petite histoire qui était développé donc dans ce court-métrage. Je connais pas toute l'histoire, je crois que j'ai vu une version courte de la vidéo. Ce qu'il présentait, c'était la version courte pendant Tristan, oui. D'accord, mais j'ai pas vu non plus la version longue. D'accord, mais donc, dans la version je sais longue... pas exactement ce qu'il y a en plus, c'est juste que dans la version courte, ouais, ouais. Il présentait un sorcier qui mimait des incantations, c'était toujours filmé en caméra très rapprochée, ce qui fait qu'on voyait bien vraiment les traits du visage, etc. Exactement, c'était exactement. Vraiment impressionnant. Des effets de particules, des effets de lumière. Ouais, c'est ça. L'animation faciale aussi. C'est même des mains, hein, l'animation tout entière du corps, je la trouvais super cohérente, super crédible en fait, et à tel point je me suis vraiment demandé, mais ça fait très longtemps que je me suis pas demandé ça, si on avait affaire à un film ou un jeu quoi. Mmh. Je ne voyais pas du tout d'imperfection dans tout ce qui est animation, réaction, ouais, sauf dans les là cheveux, on sent de la motion capture dans les cheveux, phénoménal quoi. Ça bougeait par paquet quand même. Et là c'était un peu bon, c'est là que ça pouvait trahir éventuellement pour l'œil. Ouais, c'était pas totalement parfait, mais c'est vrai que non, mais c'était vraiment pas loin quoi. Vraiment moi j'ai été bluffé quoi. Voilà, vraiment et en plus, incroyable. Ça reste un court-métrage écrit, produit, réalisé par David Cage. Et voilà, plutôt pourquoi amusant. Tout le monde rit quand on dit donc et nous allons donc terminer la conférence les jeux présentés durant la conférence Sony par The Order 1886, ouais. De Santa Monica, c'est-à-dire le studio responsable de God of War, et Ready at Dawn, il me semble, qui a développé les versions PSP. Enfin, je sais pas s'ils sont associés sur ce projet, mais il me semble, ouais, que c'est Ready at Dawn et Santa Monica. Donc, okay. The Order 1886, qui peut en parler? Claire, par exemple? Je vois même plus ce que c'est ce jeu-là. C'est le jeu où ils sortent d'une carriole, ils ont des fusils, et puis ils tirent sur des espèces de monstres. Je t'en prie, Tristan. C'est juste qu'en fait, j'aurais envie de dire que ça m'a l'air un peu d'un bullshit sur les bords, quoi. D'accord. Parce que, en fait, la manière dont c'était présenté, ils disent c'est fait avec le moteur du jeu directement, ça c'est pas de la cinématique. Oui. J'y crois juste pas. Easy, boys. It's all right, Mum. We have made contact. Je crois pas non plus, puisqu'après, on voit absolument rien qui se passe. C'est ça, enfin. Bien, ça me paraît évident que c'est pas le cas, que ce sera pas aussi beau à l'arrivée avec le moteur vraiment du jeu, quoi. Donc après, le truc c'est qu'on n'a rien vu hormis une cinématique, on n'a pas vu de gameplay en tant que tel, donc c'est un peu dur à dire. La cinématique en elle-même est très belle, mais dire que c'est fait avec le moteur du jeu, j'y crois juste pas, quoi. Mais moi je suis déçu en fait qu'on utilise la période donc victorienne 1886. Enfin c'est une uchronie, hein. C'est un peu comme un Dishonored, totalement parallèle, quoi. On voit des technologies. C'est ça, ouais. Moi, je suis pas un grand fan de ce genre de truc, parce que j'aurais préféré avoir des vraies armes de l'époque et pas tirer avec des lasers ou je sais pas quoi, ou lance-flammes. Au bazooka. Ça me dérange un petit peu. J'aurais vraiment préféré, ça aurait été bien plus classe d'avoir des vraies armes, des arbalètes ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça s'appelle pour lutter, ouais, ça aurait été un peu plus sympa. Après, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être encore un third person shooter ou... on sait rien en fait du jeu. On peut et ça a l'air aussi juger. D'être pour jouable. On nous annonce, le thème quoi. Et ça a l'air d'être jouable à 3-4 simultanément aussi. Ah bah voilà, ça peut tout changer selon moi, tu vois. C'est-à-dire qu'une partie à 3 ou 4, ça peut être 1000 fois plus sympa qu'une bonne partie à tout seul et ouais, ça peut faire la différence. Exactement. Avec chacun sa spécialité, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est vraiment marquant, bien entendu, bon, c'est vrai que sur la question du moteur, on peut toujours, voilà, ça reste sans réponse, mais c'est vrai que l'univers, enfin cette uchronie là dans l'ère victorienne, avec le brouillard, avec tout ça, enfin on était vraiment dans l'ambiance quoi. Ça dure 3-4 minutes, mais c'est assez captivant. Voilà, on entend des cris à droite à gauche, il y a la carriole qui avance, le cocher qui disparaît. Donc c'est peut-être facile, hein, voilà, mais ça marche, tout simplement. Donc ouais. Ça c'était... J'attends de voir. Ouais. La conférence, enfin de toute façon c'est vrai qu'il n'y a pas eu de phase de gameplay, donc pour une nouvelle licence... Mais on peut quand même. Mais cette E3 était très peu gameplay, hein, au final. Hein, ils ont montré quand beaucoup de la grosse phase sur. Dire un gros mot, mais... Il y a eu une grosse phase sur Destiny. Il y a eu quand même, enfin. Non, mais je veux dire par rapport aux licences annoncées, mais c'est juste pour dire attention, on a un truc en préparation. Voilà le thème, quoi. Oui, mais c'est. Nous allons maintenant passer à la conférence d'un constructeur qui n'était pas présent, on va dire, à l'E3 proprement dit. Mais qui est Nintendo, qui a présenté donc, enfin, qui était présent à l'E3 bien sûr, mais qui n'a pas fait de grandes conférences comme les constructeurs le font habituellement. Mais Nintendo, donc, qui a fait un Nintendo Direct, mais ça nous permet donc d'avoir une liste de jeux qui seront présents sur leur console et notamment la Wii U, d'accord. Donc, on va commencer par Super Mario 3D World. Est-ce que quelqu'un a vu les images? Je crois que je suis resté dans la conférence Nintendo. Il y a que deux jeux qui m'ont marqué, c'est Bayonetta 2 et X. Ouais, te dire. Le reste, là, c'est comme apparemment, ils font des remakes. Il y a même pas un Zelda qui est annoncé. C'est comme... Attends, c'est cool, mais vous avez rien. Attends. Non, mais Claire... Ouais, voilà, mais c'est des remakes. Ouais, mettre un filtre HD sur un jeu... Parce que Mario, c'est pas des remakes. Non, faut arrêter. Non, mais bon, qu'importe. En tout cas, donc, Super Mario 3D World, est-ce que ça vous a marqué d'une manière ou d'une autre? Oh, c'est mignon, c'est un Mario, ça va certainement être bien. De vue... Ça va vachement bien marcher, mais c'est pas... Nous avons Donkey Kong Country Tropical Freeze, sachant que l'épisode précédent sur Wii avait eu un certain succès. En tout cas, c'est un retour à la formule traditionnelle des Donkey Kong, comme à l'époque de la Super Nintendo, ça veut dire jouable en 2D ou quelque chose comme ça. Là non plus, aucune réaction sur Country Freeze. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs Nintendo, là. C'est comme, on l'a été peut-être il y a longtemps, mais c'est vrai que la Wii, là, j'ai comme complètement lâché. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans les derniers Mario. The Wind Waker HD, Zelda. Aucun intérêt. Mais je vois même pas l'intérêt, parce qu'en plus, le jeu est sur GameCube, donc il tournait sur Wii, puis là, ils vont te mettre là, un truc HD. Avec Wind Waker HD, puis il c'est du cel shading, là. C'est pas comme s'il était moche. Il est en 1080p, clair. Qui en a le plus besoin, quoi. Oui, bah enfin, ouais. Exactement. C'est un fait qui reste encore largement acceptable aujourd'hui, qu'il le restera encore dans 10 ans, quoi. D'accord. Il restera mignon et il n'a pas besoin vraiment de HD de celui-là, quoi. Il l'aurait fait sinon. Enfin, surtout, Wind Waker, c'est pas le meilleur des Zelda, là. C'est comme, t'as toute une période super chiant. Bah, franchement, je crois que ça doit être celui que j'ai trouvé le plus. J'ai jamais pu le dire. Ah, il y en a qui l'ont aimé, là, mais c'est comme, personnellement, c'est pas celui que je trouve le plus intéressant. Puis le ressortir, sachant qu'il tournait sur Wii, si t'as le CD GameCube. Je vois vraiment pas l'intérêt, là. Mais c'est vrai que, dans la catégorie remake, oui, ils sont passés de Ocarina of Time à Zelda Wind Waker, sans passer par Majora's Mask, par exemple. Ouais, voilà, Majora's Mask, pas... bon, c'est sûr, je trouve ça toujours pourri de faire des remakes, mais j'aurais trouvé ça plus intéressant de refaire Majora's Mask, parce que bah là, de toute façon, tu peux plus le faire tourner, sauf ouais, si t'as encore ta vieille N64, quoi. Je crois que Majora's Mask est le seul Zelda auquel j'ai joué de ma vie. Enfin, le vraiment, quand je dis jouer, c'est vraiment jouer, tu vois. Bah, c'est le plus original des 3D, je pense. Il va être donc prévu toujours sur Wii U en 1080p. 1080p et 60 images secondes, je précise. Merci. Ah, ensuite, folie, j'achète ensuite, tout de suite. Art Academy. Oh, Wii Party U. Mario Kart numéro 8. Ouais. Non, non, mais Mario Kart, c'est 20 millions par épisode, quoi. C'est juste, enfin c'est voilà, vrai c'est juste fait la plus grande licence de jeux vidéo. Quasiment. C'est vrai qu'il devrait l'appeler numéro 8. Non, mais ça, ça montrerait à quel point ils se renouvellent quand même, ces mecs. Mais bon, c'est 20 millions par épisode, ou minimum 15 millions, tu vois. C'est ce que oui, fait Call of Duty avec 200 millions de dollars de marketing. Donc c'est... Oui, mais je ne doute pas, je doute pas une seconde, quoi, du succès du jeu, mais pff, oh là là, d'un point de vue, voilà, d'intérêt, il y en a pas, quoi. Et ensuite, nous avons, enfin, je vais revenir sur le dernier jeu Nintendo exclusif tout à l'heure. Mais donc, il y a eu Wonderful 101 de Platinum Games, qui est une sorte de, enfin, une sorte de Beautiful Joe, mais avec plusieurs personnages, quoi. Je sais pas si, Claire, tu saurais décrire ce qu'est Wonderful 101. Non, là, j'avoue que ça me dit rien du tout. Je sais que j'avais regardé vite fait ce qui avait été présenté à la conférence Nintendo, parce que j'ai pas regardé. Oui. Mais celui-là m'a échappé. D'accord. Tristan, ou Julien? Non, j'ai vu une petite vidéo et je me suis dit bon. Ok, non, c'est pas fait, particulièrement impressionnant, ça a l'air un petit peu chiant sur les bords, mais il y avait assez peu d'infos en soi. C'est une sorte de Pikmin, enfin, pour vraiment avoir un peu l'idée de, voilà, le paysage, hein, le décor. C'est une sorte de Pikmin survitaminé, dans lequel vous ne contrôlez que des super-héros, et par le créateur de Beautiful Joe, donc Platinum Game, et donc voilà, le studio responsable de Bayonetta. Et donc nous sommes voilà dans un truc, dans une sorte de Pikmin survitaminé, avec beaucoup de joueurs en même temps. Donc c'est l'un des jeux vraiment les plus attendus de la Wii U. Voilà, c'est un jeu qui a une hype voilà très très importante. Ensuite, nous allons passer au un jeu de Monolith Soft, premier jeu de Monolith Soft présenté sur Wii U. Le prochain Xenogears, enfin quand je dis Xenogears, Xenoblade ou quoi que ce soit, c'est-à-dire leur saga de RPG qui a démarré donc avec Xenogears à l'époque. Xeno quelque chose quoi. Voilà. Et sachant que Xenoblade, il me semble sur Wii U. Avait eu un très très bon succès au moins critique hein, et public certainement mais au moins critique, c'est un jeu qui avait été extrêmement bien accueilli. Donc là, nouvel épisode de Xeno sur Wii U avec cette fois un univers ouvert, c'est-à-dire on pourra vraiment se balader à droite à gauche etc. Donc il y aura une échelle beaucoup plus importante. Donc là le nouveau Xeno non plus, aucune réaction. Si, ça avait, c'est un des rares titres, on va dire, de leur présentation qui avait l'air vraiment intéressant. Ça, à mon sens, c'est le plus prometteur qui était présenté, quoi. D'accord. J'avais trouvé vraiment, enfin, la vidéo même était assez impressionnante parce que beaucoup de gens gueulent sur la Wii U en disant que c'est un peu à la ramasse, etc. Mais c'est même bien au-delà, je trouve, ce qui a été présenté de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur PS3. Non, la Wii U, techniquement, oui. Actuellement, avec ce qui nous a été montré, la Wii U est beaucoup plus puissante qu'une PS3, Ah oui, techniquement, oui, mais jusqu'à présent, on avait rarement eu la preuve, on va dire. C'est vrai. Ouais. Et, dans tous les cas,

Ouais, voilà, mais je trouve que, je sais pas, elle fait un espèce de stéréotype, de fantasme sadomaso de la prof. Enfin, je peux absolument pas avec cette héroïne-là, c'est comme d'accord. Vraiment non. D'accord. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien ça, enfin qui aiment bien le style du jeu là, où les beat'em all c'est pas du tout mon trip, mais en plus avec l'héroïne, je peux pas, je suis allergique. D'accord. Julien, est-ce que tu es plus enthousiaste à propos de Bayonetta numéro 2 ? Moi j'ai beaucoup aimé le premier, parce que c'était très décalé, c'était un Devil May Cry avec autre chose qu'un gars qui se la raconte trop. D'accord. Là cette fois-ci c'était une nana qui se la racontait trop. Mais sinon, l'aspect graphique était très sympa. Je mets vraiment de côté le fait que la nana était aguicheuse et que bon, tu sens bien que c'était fait pour attirer le chaland. Résultat des courses, ça n'a pas forcément fonctionné. Mmh. Mais j'ai trouvé très plaisant. C'était bien dynamique. Et là, de voir le 2 sur Wii U, je suis très triste. D'accord. Je suis très triste de voir que c'est comme c'est une licence qui n'a pas marché sur les entre guillemets les grosses consoles. Oui. Eh ben finalement c'est relégué un peu. Désolé hein, mais c'est mon parti pris au rebut des consoles dites next gen. D'accord. Mais avec une qualité graphique qui sera bon correcte hein, mais pas du identique niveau que qu'aurait pu avoir. Oui, mais sachant que le jeu bien sûr n'a pas eu comme tu l'as dit un immense succès. Apparemment, Bayonetta 2 aurait été financé aussi par Nintendo. Oui, oui, oui. Qui, donc, il y a quand même eu, voilà, le projet n'était pas non plus, c'était pas gagné d'avance, hein. Il y aurait. Ah, ben, ils sont morts de faim, ils ont besoin d'avoir des bonnes licences. Je comprends. Bayonetta 2, qui tournera en 1080p à 60 images secondes. Donc voilà, ça, c'est pour montrer que, techniquement, la Wii U tient le choc, hein. Et enfin, donc, le dernier jeu présenté sur la conférence, enfin, dans le Nintendo Direct, hein. Et bon, je sais que vous n'êtes pas fan de Nintendo, apparemment. Mais c'est simplement Super Smash Bros. Wii U. Et là, c'est peut-être le jeu qui a provoqué le plus l'enthousiasme, hein, en tout cas d'après ce que j'ai pu capter sur les réseaux sociaux, enfin quand je dis les réseaux sociaux, un peu Twitter et un peu le forum NeoGaf, mais c'est vraiment le jeu qui a mis une claque à tous les fans Nintendo. Je sais pas si vous en faites partie de ces gens électrisés par la présentation de Smash Bros. Wii. Non. D'accord. Bon, bah, c'est juste, en tout cas, la plus grande licence quasiment actuellement de Nintendo. C'est un immense succès. Et donc, là, parmi les personnages rajoutés et qui génèrent le buzz, hein, il y aura donc la femme Yoga de Wii Fit. Il y aura l'un des habitants de Animal Crossing. Et il y aura enfin, pour la première fois, Megaman, qui apparaîtra dans son costume traditionnel. Voilà. Ça me choque de voir un personnage d'Animal Crossing qui est très éloigné de tout ce qui pourrait être violent dans un jeu de combat, enfin pseudo combat quoi. Je dirais la femme Yoga de Wii Fit là, c'est comme je ne m'attendrais pas forcément non plus. Là. Oui. Pour reprendre la remarque de Julien, c'est ça. Il faut savoir que le personnage de Animal Crossing est justement devenu un peu, enfin c'est lui qui génère à peu près le plus de buzz quoi. Puisqu'effectivement, il a donc son personnage rond et poupin et toujours souriant de Animal Crossing, et derrière, il te balance des bombes, etc., quoi. Donc, ce contraste a beaucoup plu, et le personnage, apparemment, est en train de générer une certaine hype, quoi. Donc, c'est peut-être même qui est la meilleure addition. C'est normal, enfin, tu t'attends pas à voir ça, mais je sais pas, ça me choque. Animal Crossing, j'y ai joué, sur GameCube, j'ai bien aimé, et puis pour moi, j'associe pas ça à un truc autre qu'Animal Crossing. Ça n'a pas sa place. D'accord. Du tout. D'accord. C'est noté. Maintenant, nous allons donc passer à la conférence Microsoft. D'accord. This is an exciting day for our teams. And as we've been promising, it's all about the games. We're excited to share with you a stunning lineup of world premiere gameplay and announcements, including 13 next-generation titles you'll find only on Xbox One. Alors, juste, hein, Microsoft, pour aller vite, il faut savoir qu'ils ont présenté une Xbox redesignée, qui est plus petite, qui est plus silencieuse, mais pas de prix, d'accord? Ensuite, pour la Xbox 360, ils ont annoncé la sortie de Dark Souls en 2014, mais qui sortira aussi sur PlayStation 3, normalement. Ensuite, c'est un free-to-play... C'est pas sûr à 100%, ça. Que ce soit pas exclusif... Enfin, tu dirais que c'est exclusif à la Xbox, c'est ça? Non, plutôt la... à la PS4. Enfin, oui, oui, la next-gen, quoi, ouais. Je veux dire. Ouais, ouais, peut-être c'est aussi. Pas, c'est pas sûr qu'il sorte sur cette génération-là, tu vois. Mais en tout cas, apparemment, il a été annoncé pour Xbox Dark Souls numéro 2. Après, je sais pas. Mais bon. Non, non, mais il sortira sur les deux, hein, ça, y a aucun souci. Ensuite, World of Tanks, un free-to-play avec des tanks. Super. Voilà. Mais génial. Il était déjà sorti sur, enfin, il existe sur PC, non? Sur PC. Oui, il existe sur PC depuis un bon moment, mais. Exactement. Mais là, c'est la version, donc, Xbox, un peu comme Minecraft. Ensuite, nous avons Max, The Curse of Brotherhood. Non. Qui est une sorte de Pandemonium. Quand je dis Pandemonium, il y a un jeu de plateforme qui se joue en 2D, mais avec des rotations de décors et... En 3D, quoi. Voilà. Et des éléments 3D. Et donc, là, vous aurez aussi la possibilité de manipuler une baguette magique pour faire apparaître certains éléments de décor, etc. Donc là, vous aurez à peu près compris, c'est un jeu qui sera disponible en téléchargement, tout comme World of Tanks, d'ailleurs. Et donc voilà, ça c'est tout ce qu'il y a pour la Xbox 360. Pour ceux qui jouent. Bah oui, hein, ça prouve bien ce que Microsoft a déjà fait une première fois, mais on en parlera plus tard. Exactement, donc ensuite on passe à la Xbox One, d'accord. Witcher, The Witcher numéro 3, univers ouvert, c'est des projets... Ça a l'air joli, ça. Bon, c'est vrai qu'au niveau du moteur, c'était peut-être pas non plus un bond en avant, mais au moins on sait que ce sera un univers ouvert. Non, mais c'est pas mal, je trouve. Même pour un moteur comme ça, je trouve ça assez correct en termes de... Some fight for glory, justice, or gold. I fight for those I hold dear. I'm Geralt of Rivia, The Witcher. C'est Claire qui en avait pas mal parlé sur le site. Claire, en fait, le truc, c'est que ça fait un moment qu'ils sont en développement pour ça. Je sais que leur moteur, justement, ils voulaient faire un moteur... c'est un moteur de jeu qui permet de faire des RPG, mais avec des mondes ouverts et surtout avec... tu vois, The Witcher, t'as vraiment un arbre des possibilités selon les décisions que tu prends. Ça va vraiment changer l'histoire. Et justement, ils voulaient faire un moteur de jeu comme ça, qui soit un peu ouvert à la Skyrim, mais qui aussi... cette implication au niveau de l'histoire où tu peux vraiment faire des choix et que ça change complètement ton scénario. D'accord. Et ça, j'avoue que je suis assez curieuse parce que c'est des projets, tu fais des bons jeux, puis j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec The Witcher 3 parce que le premier était vraiment génial, j'ai pas encore fait le 2, mais je me dis qu'ils ont possibilité vraiment de faire des très bonnes choses, et puis si leur moteur se vend et qu'ils font d'autres jeux avec, ça peut aussi donner d'autres jeux à côté qui sont vraiment très bons, faits par d'autres compagnies. C'est développé par des Polonais, non? Tout à fait. Parce que l'auteur du bouquin est polonais aussi, c'est ça? Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est... rapport, mais... Ce qu'il faut savoir, je sais pas s'il est exclusif à la 360, enfin à la PS, à Xbox One, pardon. Non, il sera sur PC, à mon avis, sur Witcher 3, sur les 3 plateformes. On va passer à... Dead Rising numéro 3. Ouais. Donc, la suite de Dead Rising 1 et de Dead Rising 2. Sachant que Dead Rising numéro 1 était l'un des premiers jeux, enfin, l'un des jeux de la première année Xbox 360. Et donc, c'est une licence, on va dire, qui est peut-être un peu plus attachée au public Xbox, malgré le fait que l'épisode 2 soit sorti sur PS3 aussi. Donc, un jeu de zombies, avec du massacre massif, avec n'importe quel item. Est-ce que Dead Rising numéro 3 vous a impressionné? Sachant que là, effectivement, il n'y aura plus de temps de chargement, sachant que les temps de chargement étaient quelque chose d'assez présent sur les deux premiers Resident Evil, Rising, pardon, et Lapsus. Non. Mais, donc, est-ce que ce Dead Rising numéro 3 vous a impressionné? Zombies are attracted to your every move, and this can lead to overwhelming odds if you're not careful. Fortunately, there's multiple ways to distract them. Oh, thank God. Non. Impressionné, pas forcément, c'est ça, c'est assez classique. Après, moi j'ai un petit peu joué au deuxième, j'ai toujours entendu que le premier notamment était finalement en dehors même simplement de l'aspect gameplay qui est assez agréable, etc. avait quand même un scénario qui était mine de rien assez poussé, contrairement le premier, à ce qu'on pourrait croire. Totalement, oui, le premier. Totalement. Sur le papier. Et qu'il y avait une véritable réflexion derrière, donc après faudra voir aussi à ce niveau-là ce qu'ils seront capables d'en faire. Après c'est vrai que graphiquement le troisième là, actuellement il est beau, mais et, il a l'air sympa, mais rien non plus de foufou, quoi. Faudra voir réellement plus profondément. Concernant Dead Rising numéro 3, sachant que les deux premiers n'ont pas été, bon après le premier a effectivement l'excuse, hein, du parc installé qui n'était pas extraordinaire, et en plus, un jeu sorti sur une seule console, mais donc le 2 est sorti là, en plein, voilà, et bon, il a pas non plus fait des scores extraordinaires, mais le 3, selon Capcom, a été conçu pour plaire aux joueurs de Call of Duty. Donc je crois que le scénario est de côté un peu... Non, ça, j'étais pas au courant. Le 1 sur le papier est extraordinaire, vraiment. Ouais, et comme tu dis, au niveau du scénario, tout ça, c'est vraiment assez bien foutu, quoi. On sent que c'est un élément central du jeu. Et pour autant, ça ne vient pas, comment dire, se mettre en barrière, se mettre en travers de l'expérience de jeu. Ouais, et ça. Au fur et à mesure, on a l'impression que Capcom met de plus en plus d'eau dans son vin, parce que finalement, le 3, apparemment, ils disent, bon voilà. Si vous aimez les jeux un peu bourrins où ça pète, enfin, on comprend ça comme ça, hein, aux joueurs de Call of Duty. Et c'est vrai que le 3, oui, sera peut-être un peu moins subversif. Ensuite, on peut évoquer Minecraft version Xbox 360, enfin, version, pardon, Xbox One. C'est-à-dire que la collaboration entre la saga Minecraft et la Xbox va continuer. Cette fois, on parle d'un jeu qui est pour l'instant exclusif à la Xbox One. Donc Minecraft, c'est Minecraft, hein. On va revenir dessus, sachant qu'il n'y a pas d'ajout, apparemment. Ensuite, jeu de... Le monde sera plus grand. Insomniac Games, super. Sunset Overdrive, qui est une sorte de FPS avec des frisbees un peu bizarres, avec des armes un peu étranges. Je ne sais pas si vous avez... Et avec... J'ai pas vu. D'accord. Bon, en tout cas, Sunset Overdrive par Insomniac Games. Est-ce que tu peux nous présenter Insomniac, Camille? Oui, Insomniac, studio assez talentueux qui tourne exclusivement, si je ne me trompe, jusqu'à aujourd'hui avec Sony. Ouais. Qui, je sais, ils ont signé des contrats avec Microsoft, non? Bah, pour la Xbox. En tout cas, ce jeu, Sunset Overdrive, est pour l'instant exclusif. Donc, avec Microsoft. Tout à fait. Ah. D'accord. Bon, ils ont changé de crèmerie, ou je ne sais quoi. Qui est à l'origine de, je ne sais pas si je vais avoir le bon souvenir, Résistance, non? Ouais, peut-être. Je ne sais pas, ensemble. Ratchet & Clank, c'est la question. Ratchet, ouais, mais voilà, donc un bon studio, on va dire, mais voilà, enfin, je veux pas que je te dise de plus que ça. D'accord. Bon, en tout cas, au moins, on peut déjà faire état du passage de l'un à l'autre. En parlant des constructeurs, bien sûr, Sony et Microsoft. Ensuite, nous avons Crimson Dragon. Ah. Je t'en prie. Ah, Crimson Dragon. Alors ça, c'était le jeu que j'attendais depuis très longtemps, parce que pour faire un petit peu une petite histoire par rapport à tout ça, c'est que j'ai commencé à acheter à l'époque la Xbox, alors que je la dénigrais, la toute première. Hein. Je la dénigrais tout en ne sachant pas. Quand j'ai vu tourner Panzer Dragoon Horta. D'accord. Et donc. Pendant toutes ces années où il n'y a plus rien eu au niveau des Panzer Dragoon, puisque j'avais fait tous les Panzer Dragoon avant sur Saturn, quand on a eu le vent qu'il y a eu qu'il allait avoir un nouveau Panzer Dragoon, donc qui allait s'appeler Crimson Dragon, pourquoi pas, qui disait oui, ça sera sur 360. Ah, ouais. Génial, super. Ouais, ça sera sur 360 avec le Kinect. Ah ouais super. Et puis finalement, après une démo qui est passée malencontreusement sur le live où il y a eu une vidéo qui montrait un peu comment ça fonctionnait, qui a été retirée depuis, plus de nouvelles, plus rien. Et là, retrouvé pendant la conférence de l'E3 pour une sortie sur la nouvelle console. Mmh. Bah merci les gars, sympa. Bon. Super. Bon. Alors c'est beau, voilà. C'est après non, bon, c'est du Panzer Dragoon, hein, donc c'est du rail shooting, donc ouais, avec des dragons, donc c'est toujours très classe, toujours très beau. Avec la, je crois d'ailleurs qu'il y a les mêmes personnes qui sont aussi bien à la réalisation qu'au niveau des musiques de l'époque. Hein, donc voilà, ça aurait pu être bien si on aurait pu jouer déjà avec une manette, et pas que exclusivement avec le Kinect. Ça, c'est un parti pris pour mettre en avant les fonctionnalités du nouveau matériel. Ça, pourquoi pas, ça, peu importe. Ça, c'est négociable. Je n'en suis pas sûr, mais c'est peut-être... Enfin bon, déjà le fait qu'il y ait un passage de la 360 vers la One sans aucune info, je trouvais ça un petit peu limite. Mais oui, j'attends quand même avec impatience de voir vraiment des vraies images du jeu et pas juste un petit peu une vidéo qui est d'accord. D'ailleurs qui était sans son pendant la conf. Oui. D'accord. Le gros fail. Hein, la vidéo qui passe, on n'a pas de son, bon, pourquoi pas. Donc, ouais, de voir un peu un test plus poussé quand il sortira. Exactement. Donc ça, c'était pour Crimson Dragon, et comme nous l'a indiqué Julien, successeur spirituel de la saga Panzer Dragon de Sega. Ensuite, on va passer à un jeu exclusif encore, Below. Below. J'ai pas compris moi celui-là. Below. Quelqu'un peut a des impressions. Un jeu de Capybara Games. Responsable de Sword and Sorcery, c'est-à-dire un jeu un peu arty, un peu voilà, qui était sorti sur plusieurs plateformes, hein, dont mobile, PC. Donc Below, c'est toujours aussi arty. Enfin, quand je dis arty, c'est qu'il y a effectivement un parti pris graphique. Hein. On est très proche du pixel, c'est-à-dire que vraiment, voilà, on le reconnaît bien. Et donc apparemment, c'est un jeu d'aventure, exploration, ce genre de choses. Quoi, donc. On a eu vraiment aucune information là-dessus. D'accord. A priori, c'était vraiment quelques images qui étaient, au demeurant, moi j'ai trouvé ça plutôt joli. Mais c'est vrai qu'en termes de gameplay ou quoi que ce soit, on n'a aucune idée de ce que ce sera. Donc là, toujours exclusif, et Capybara Games a la réputation, enfin une réputation qui monte actuellement en flèche. C'est l'un des studios dont on entendra certainement de plus en plus parler dans les années à venir et qui s'impose donc petit à petit. Donc Below sera peut-être justement quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas eu de date pour ça, hein, non? Pas à ma connaissance, non. En tout cas. Ensuite, nous allons passer aux licences un peu maison, mais enfin quand je dis un peu maison, un peu plus ambitieux au niveau technique déjà. À commencer ouais, parce par que ça rend pas justice à la soi-disant puissance de la Xbox One. Comment? Les jeux comme Below. Non, mais bon, ça c'est autre chose. Alors passons donc à Forza numéro 5. Toi qui es Julien, spécialiste de la simulation. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Une deuxième fois, donc ça ne d'accord. rend pas forcément justice à la soi-disant puissance de la console. D'accord, sachant qu'il n'y aura pas de modification de la météo en temps réel. Sur cet épisode. Voilà, c'est magnifique. J'attendais avec impatience certaines licences qui ne sont que sur les Xbox, ouais. Pour au final voir que ça a été déception sur déception, d'accord. sur toutes les images qui ont été présentées. Donc non, donc, Forza 5, pas pour moi. Il okay. y a pas de problème. Ils auraient mieux fait de sortir Super Monaco Grand Prix alors. Donc voilà, Forza numéro 5. Ensuite, nous allons passer à un jeu développé par un japonais qui se fait surnommer Swery. Le jeu s'appelle D4. D4. Ah. Là non plus, D4, personne. La suite de D. De numéro 2 qui non. Ouais, non je sais pas non ouais ouais, ouais ouais il me semble bien que c'est ça hein. Non, c'est non, la non, suite non. Du jeu non, avec non, Saturne, ça également non, Dracula non. Ah, ouais. non c'est juste que déjà le créateur de D est mort il y a 6 mois donc il y aura pas de nouveau D en tout cas voilà enfin, pas tout de suite mais Swery est tout simplement le chef de projet le directeur le game designer de ce jeu qui était sorti donc sur Xbox Deadly Premonition avec maintenant une version PS3 qui arrive un peu plus tard. Et donc, un jeu extrêmement culte, subitement, de la Xbox, hein, qui était un jeu japonais, techniquement à la ramasse, mais avec un univers assez étrange, très proche de Twin Peaks, avec c'était un super décalé, mais c'était génial. Schizophrène, etc. Et le jeu est tout d'un coup devenu, très très célèbre et très réputé parmi les gamers. Et Swery est devenu une sorte de mini-star. Il a commencé à répondre à des interviews, ce genre de choses. Donc, son nouveau projet. Après une version de Deadly Premonition, pardon, plus sur PS3, ben c'est D4 qui sera exclusif à la Xbox One. Et sur le style graphique, hein, on peut penser à des jeux style Killer 7 de notamment Suda 51. Donc là, ouais, on a ça, c'est bien, ça. Affaire à deux japonais un peu décalés. Donc D4, même si on n'a pas plus d'informations, mais voilà, on sait que c'est un jeu qui est issu du cerveau un peu dérangé de Swery. Voilà. Personne ne veut rien ajouter sur D4. Non, mais j'ai hâte de voir ça. Pour ce qu'on a vu, mais c'est vrai que. À part que j'avais l'espoir secret que ce soit un autre D, mais non. Ouais, non, pareil. En fait, tu vois, pareil, je me suis planté aussi, mais. Ensuite, nous avons Quantum Break, donc de Remedy, C'est un mélange entre la live action television et le jeu vidéo, et le passage de l'un à l'autre. On va pas vraiment revenir sur Quantum Break, parce qu'on était déjà passé dessus lors du premier podcast, mais voilà, c'est un jeu dont on n'a pas encore, enfin qui ne sortira pas tout de suite, qui est toujours en cours de développement, mais qui est aussi l'un des jeux très très importants de la Xbox One, et ça nous permet en fait de passer tout de suite à Project Spark, non ? Qui est une sorte de Little Big Planet, dans lequel vous essayez de faire, enfin Little Big Planet, hein, le jeu, la licence de Sony, dans lequel vous essayez de faire votre propre, enfin vous créez en fait votre propre jeu, quoi. Vous mettez en place des scripts, des décors, ce genre de choses, vous agencez tout ça, et puis va vous démarrer la partie, et puis voilà, il y a des, vous pouvez faire des shoot 'em up, des jeux d'aventure, des jeux de course, ce genre de choses, quoi. Donc ça fait vraiment penser à Little Big Planet. Qu'en fait c'était pas très très clair pendant la conférence, enfin, ce qui avait été montré c'était un petit peu particulier, on voyait pas trop où ils voulaient en venir, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, tous les journalistes qui étaient sur place, ils ont pu le tester et ils ont tous dit que franchement c'était vachement prenant, c'était un des trucs qu'ils avaient finalement préféré dans tout ce qu'ils avaient pu tester. A priori ça a l'air vraiment sympa, quoi. Donc ce qui a été montré pendant la conférence était assez limite, mais en tout cas c'est assez prometteur apparemment. Les retours, ouais. Mais sachant justement que moi je l'ai comparé à Little Big Planet, mais il faut savoir aussi que sur Xbox est sorti quelque chose, la 360, hein, est sorti un petit truc, donc il n'a pas eu de buzz ni de marketing, ça s'appelle Kodu. Kodu, je sais pas si vous connaissez. Et c'est tout simplement, et ça a duré quelques années hein, sur Xbox 360, et c'était tout simplement créer des jeux par des enfants de moins de 10 ans. Donc comment est-ce que les outils peuvent être suffisamment simplifiés pour que les enfants de 10 ans arrivent à comprendre comment mettre en place les scripts, où ça va aller, etc. etc. Donc Kodu, comme je dis, mais qui existe sur Xbox, a très certainement aidé en fait à la mise en place, au développement de ce projet Spark. Ensuite, non, mais c'est vrai que certaines choses qui avaient été montrées avec, je sais que notamment il y en avait certains qui avaient copié un jeu type Limbo, mais au niveau graphique, la copie était parfaite, quoi. Ouais, c'était exactement dans le même style et c'était vraiment assez impressionnant à voir, quoi. Ouais, tout à fait. Et enfin, donc, jeu suivant, c'est tout simplement Halo numéro 5. Microsoft ne pouvait pas faire l'impasse, hein, sur un épisode de Halo, on s'en doute. Donc, il y a de l'argent à faire. On en a vu très peu, juste le nom de Halo. Voilà, c'est que les mecs qui se l'injectent en intraveineuse commencent à trembler déjà. Donc on va pas revenir dessus, parce que bon voilà, ils ont juste dit Halo et puis basta, quoi. Et enfin, le jeu qui est exclusif, mais pour l'instant, on va voir par la suite, c'est Titanfall. Alors qu'est-ce que ça vous a... Enfin, c'est l'un des jeux qui a le plus marqué, on va dire, la communauté des joueurs, hein. Titanfall, dont on parle... Ah bah merde alors. Bah alors, bien sûr. Encore un autre FPS déjà, tu vois. Ouais, c'est ça, moi c'est vrai que c'est pas. A priori, c'est pas du tout mon style de jeu, donc. Même Claire non plus, tu n'es pas. Un énième FPS, j'ai l'impression d'une pseudo-copie d'un Lost Planet. Ouais. Hein, parce que bon, il y a l'aspect méca dedans. Alors moi qui suis très très fan des mécas, alors quand j'ai vu ça au début, je fais ouais, bien. Et puis en fait, j'ai regardé un peu plus longtemps et j'ai juste dit ouais, ok. Non. D'accord. Donc personne en fait n'est juste tenté par le jeu qui a laissé la plus grande. Tout le monde avait l'air. Tous ceux qui ont pu l'essayer après sur place ont dit qu'il est génial, c'est super nerveux ou quoi. Mais a priori, moi déjà, je suis vraiment pas un grand fan de FPS. Il y en a certains que j'arrive à apprécier pour diverses raisons, on va dire par exemple BioShock ou ce genre de choses. Mais c'est évidemment pas forcément pour le gameplay nerveux, on va dire. Ouais. C'est pour d'autres raisons. Donc là, a priori, c'est clairement pas ce qui me fait rêver, quoi. D'accord. Mais donc, c'est vrai que, pour décrire un peu ce Titanfall, c'est vrai que, bon, ça se passe dans un univers très très futuriste, hein, vous avez des soldats du futur qui sont équipés de jetpacks. Take control of as many hard points as you can. Patch me into them, and I'll take care of the rest. Hey, your Titan will be ready in 60 seconds. Ready in 15 seconds. vous pouvez donc comme ça grimper à peu près sur les toits, les murs assez facilement. Et vous êtes aussi entouré de mécas. Donc vous pouvez très bien vous battre contre des hommes hein, et d'autres humains, d'autres IA. Mais des mécas peuvent, là aussi contrôlés par des joueurs, hein, peuvent ben, rentrer dans le combat. Et là, effectivement, le rapport de force n'est clairement pas à l'avantage du joueur, enfin, voilà, de l'avatar humain. Et c'est un peu l'idée, c'est qu'on peut passer de l'humain au méca, etc. Et sachant que, oui, le jeu est quand même est assez nerveux, l'action était quand même assez frénétique, la possibilité de monter sur le dos des mécas, de leur tirer dessus directement, de guider son méca à distance, ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Le perso a aussi un jetpack, pour mémoire. Oui, comment ? Dans le dos. Oui, c'est ouais. ça, ouais. Le perso a un jetpack, il peut courir sur les murs, ce genre de choses. Oui, c'est ça, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, ça paraît intéressant, ça. Après, voilà, bon, FPS, quoi, bon, merci. Et sachant que le jeu tourne avec le moteur Source, qui a déjà près d'une dizaine d'années, ce qui fait qu'effectivement, il n'est peut-être pas impressionnant, mais ça lui permet peut-être d'être, voilà, de rechercher davantage la fluidité, plutôt que... Voilà, plutôt que d'être une baffe technique, même si il reste quand même assez bon. Le seul jeu que nous n'avons pas cité, mais qui était présenté lors de cette conférence Microsoft, qui pour autant, et on s'en doute, hein, est attaché à la marque PlayStation également. Now go! And let the legend come back to life. Metal Gear Solid numéro 5. Ah, c'est merveilleux. Donc là, personne n'a été touché par le jeu qui a impressionné les deux camps. Oui, si, non, mais c'est vrai qu'il était... Bah, le trailer est magnifique, après on commence à être habitué avec l'équipe de Kojima, pour chaque Metal Gear, on a toujours droit à un trailer merveilleux, quoi. Oui. Mais c'est vrai que celui-là était quand même vraiment impressionnant, notamment la version longue, parce que celle qui était présentée pendant la conférence de Microsoft était très bien, mais la version longue qui est sortie après, enfin, on sent qu'ils ont l'intention de toucher des thèmes quand même assez adultes. Enfin, ouais, c'est Metal Gear, je veux dire, voilà. Non, mais je veux dire, ça avait pas été aussi loin, j'ai trouvé, dans les précédents. Bah, ce moment-là, même il est un petit peu gore, le dernier trailer. Mais en tout cas, non, c'est vrai qu'il était, déjà, graphiquement, etc., c'était assez impressionnant. En termes de gameplay, ça avait l'air aussi assez sympa. Au niveau graphique, c'est de la Xbox 360, hein. C'est pas du tout de la Next Gen. Non, justement, ça, il y avait une erreur, a priori, de traduction quand ils avaient dit ça. Ah, d'accord. C'était, en fait, il disait que sur les versions nouvelle génération, ce sera plus beau que ça, mais c'est pas pour autant que ça tournait sur 360. C'était une version intermédiaire, en fait. D'accord, mais bon, en tout cas, ils veulent aller plus loin, et ce qu'on a vu n'est qu'une version un peu, je veux pas dire downgradée, mais qui n'est pas la supérieure version. Julien, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Metal Gear. J'ai jamais été un grand fan, même si je les ai tous faits. Je préfère de loin la série Splinter Cell. D'accord. En oubliant, bien sûr, les deux derniers sorties. Qui sont Double Agent et puis Conviction. Donc, laisse-moi résumer. Tu n'es pas un grand fan de Metal Gear, mais tu joues à tous les épisodes. Mais tu es un grand fan de Splinter Cell, sauf les deux derniers épisodes. Mais que j'ai fait quand même. Mais je les ai fait quand même. D'accord. Ouais, malheureusement. Ouais. Oui, c'est beau. C'est très bien. C'est encore une fois. C'est un grand film, quoi. C'est un grand film, certainement. Hein. Je pense qu'ils vont encore nous refaire le coup du Metal Gear Solid 4. Tu as 20 heures de film pour 2 heures effectives de jeu. Je pense pas qu'ils iraient si loin. Le 4, c'était vraiment du fanservice à tout va, quoi. C'était aussi un peu le problème. Je pense que c'est le plus mauvais de toute manière. C'est peut-être la fin d'un cycle, ouais. Et là, on est peut-être sur quelque chose de neuf, même si c'est toujours sur la même timeline, hein. Parce qu'il y a toujours disons que la manière dont ça se passe, historiquement, ça se trouve à un endroit, en effet, où il y a un gros trou dans l'histoire de Metal Gear. Pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire depuis le premier Metal Gear sur NES, on sait vaguement ce qui s'est passé pendant toute la vie des différents Snake, etc. Et c'est vrai que là, c'est un trou quand même où il y a pas mal d'années. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter sans être obligé d'essayer de remixer plusieurs épisodes ensemble pour faire un truc cohérent à la fin, quoi. D'accord. Parce que c'est vraiment ce qu'avait donné le 4 comme impression, du coup. D'accord. A été bancal cet épisode. Ouais, c'est ça. Mais je pense que celui-là, ce sera moins le cas techniquement. Ça paraît logiquement ne pas comme être. Comme je dis, ça. Le 4 était très certainement la fin d'un cycle. Tu vois. On a l'impression que. Oui, mais ça se sent bien comme une sorte de conclusion. Voilà, exactement. C'est ça que, et sachant que comme on va dire que pour les fans, hein, parce que tu évoquais les fans Tristan, le plus grand bouleversement, en tout cas dans la version américaine, ce sera l'arrivée de Kiefer Sutherland, à la place de David Heiter, ou Heather, je sais pas comment on dit, là, pour le doublage de Snake, en anglais. Donc c'est un bouleversement, puisque depuis que Snake parle, il parle avec la voix de David Heiter, et là, Kojima Production a décidé de step up et de faire appel tout simplement aux héros de la série 24. Et bon, après, bon, il y a eu quelques... Oui, bien sûr, que mais c'est pas non plus un tollé. Les fans, quelques fans sont mécontents, mais c'est pas non plus un tollé, sachant quand même que le jeu, graphiquement, en impose. C'est clair. Oui, il y a autre chose à faire que de fustiger le développeur, parce qu'il a pris notre doubleur, c'est pas très rare. Et quel mec aussi, tu vois. On sent que ça peut très certainement aider aussi, il vient très certainement aider, à la mise en place d'un Metal Gear Cinéma. On voit que il y a un petit pont avec l'arrivée de Kiefer Sutherland. Éventuellement, on termine cette partie qui était consacrée donc juste à vos avis et au tour de ronde des jeux qui ont été présentés lors de cette E-Cube. Tiens, tu m'étonnes, t'as pas parlé de Rise. C'est vrai. C'était le premier jeu qui était présenté, donc je pensais que t'allais ouvrir sur ça en fait à la base. Si bon, t'attendais la fin pour parler de ce truc qui a l'air justement, un peu bizarre. Non, justement, j'ai fait exprès de l'éditer. Des sujets trop sensibles. Alors Rise sur Xbox 360. Chose à dire, c'est pour les âmes sensibles. Voilà. Alors Rise Xbox 360, enfin Xbox One pardon, jeu de Crytek exclusif et 360 à Microsoft, qui était développé au départ pour la 360 Kinect et bah qui au final est en train de devenir un jeu à peu près Xbox One, hein, je dis à peu près, et jouer à la manette en plus. Donc c'est un changement à plusieurs niveaux. Donc alors ce Rise Son of Rome, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ah, QTE. Voilà. QTE. Voilà. C'est beau, hein, mais QTE. Voilà. Donc. C'est un peu comme le reste de la conf de Microsoft. Et Julien, tu veux rajouter quelque chose? TV. Julien, tu veux rajouter un truc sur Rise ou pas? Non, c'est bon. Voilà, c'était un peu ça. Et surtout, je vois pas Microsoft. Trop l'intérêt, moi, de ce jeu. Enfin. Bah, surtout qu'il avait été présenté. En termes de gameplay, soit on te montre un truc joli. Effectivement, c'est joli, hein. Joli, c'est très très beau. C'est pas non plus. Attends, t'as l'air d'être bridé dans la possibilité de vraiment t'immerger dans le jeu en fait, vu que c'est bourré de QTE. Mais en fait, on a l'impression que c'est effectivement un jeu Kinect hein, à l'origine, adapté sur manette, parce que même dans les animations du personnage, on voit que les transitions en fait sont très brusques, comme si effectivement à un moment on disait tu bouges et tu fais ce que tu veux, donc voilà, et le personnage va effectivement bouger comme tu bouges. Mais effectivement, jouable à Kinect, il me semble, non? Les transitions, en fait, sont tellement brusques qu'on voit effectivement cet héritage un peu Kinect. Maintenant, est-ce qu'il sera partiellement jouable Kinect? J'en sais rien. Il me semble qu'au moins niveau voix, il est censé gérer certaines demandes au niveau de la voix, parce que j'avais compris. Cas, au départ, c'était censé être full Kinect jusqu'au contrôle, tout simplement. Donc, Rise of Rome est aussi... Le jeu le plus haché de l'univers, tu vois. Parce que quand tu vas taper un mec, au moment de l'impact, t'as une touche à appuyer, sinon il le touche pas, tu vois, c'est n'importe quoi. On aurait pu aussi rajouter Kinect Sports Rival, qui est simplement sur Xbox One, hein, simplement la suite du jeu de Rare à succès. Kinect Sports. Ouais. Non. Comment? Je disais on aurait pu, mais non. Bon. Voilà, donc c'était pour terminer. Donc ensuite, le plus beau jeu, selon vous. Là, je vais poser vos questions. Quelle était, au niveau technique, hein, la baffe technique? Et ensuite, la question du coup de cœur, c'est-à-dire, c'est peut-être Below, j'en sais rien. Et voilà, quel était effectivement le jeu qui, selon vous, a fait le plus honneur à la nouvelle génération? Et ensuite, le jeu qui vous fait, voilà, qui a gagné votre cœur. Vas-y, Julien, je t'en prie. Techniquement, je sais pas. Il y a eu quelques bons jeux, mais il y a rien qui ressortait vraiment. D'accord. À part, à part, comment ça s'appelle, oui. Metal Gear. Voilà. À part Metal D'accord. Gear qui ressortait un peu, bon, c'est sympa, mais, comme disait Tristan tout à l'heure, c'est une version un peu intermédiaire, donc on n'a pas vraiment vu ce que ça pourrait donner avec, toute la puissance du Fox Engine, donc, à voir. Exactement. Et ton jeu coup de cœur? Quelle que soit la console, hein, que ce soit Xbox 360, Xbox One, Wii U, n'importe quelle plateforme. Il y en a pas. PS Vita. Donc aucun jeu ne te donne envie d'acheter aucune console ou d'acheter aucun jeu, enfin de l'acheter tout simplement. Non, pour le moment. Alors déjà, bon, pour la Xbox One, je pense qu'il y a pas besoin que je m'étende un peu plus sur le sujet. Je pense que mon avis il est quand même assez clair. Après, sur PS4, tout est sympa, mais j'ai pas encore le, tu vois, le petit déclic. Truc qui va me dire, ah, il me la faut absolument. La console, je la prendrai, c'est sûr, parce qu'il y aura forcément des très bons jeux dessus. Donc, tu la prendras, mais parmi les jeux qui ont été présentés à l'E-Cube et qui seront censés être sur la PS4, il n'y a aucun jeu que tu préfères un peu plus qu'un autre. Non. Donc, tu la prendras, mais sans acheter aucun jeu. Je la prendrai, mais en prenant... Non, n'interprète pas mes propos. Je dis simplement qu'il n'y a pas un jeu qui se démarque du lot. Il y en a que j'ai trouvé sympa. Oui, mais qu'est-ce que tu as trouvé sympa? Le jeu que tu as trouvé le plus sympa? C'est ma question un peu. Bon, il y avait le Metal Gear. D'accord. C'est triste. Metal Gear sur les deux. Il n'y a pas de problème. Pour quelqu'un qui aime pas Metal Gear, c'est vrai que ce soit ça qui t'a le plus marqué, c'est triste. C'est le problème. C'est exactement le problème. Donc, alors à toi, Tristan, maintenant. La baffe technique. La baffe technique, toi, j'aurais du mal à dire parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient vraiment beaux, mais je pense pas qu'il y en ait un qui est vraiment énormément au-dessus, peut-être, bon, à la limite, Battlefield 4. D'accord. Et encore. Mais Metal Gear, pareil, c'est ça, il était quand même assez impressionnant techniquement. Ouais. Il y en avait plusieurs comme ça, mais je pense pas qu'il y en ait un qui m'ait mis une énorme baffe, quoi. D'accord. Réellement. Oui, il y avait le Battlefield 4, mais pour moi, ça c'est sur PC, donc je considère pas comme étant un achat de console, tu vois. Ouais, c'est sûr. D'accord. Non, mais pareil, Final Fantasy XV aussi était quand même assez impressionnant graphiquement. Et coup de cœur, Tristan? Coup de cœur, je pense que ce serait le Metal Gear. Aussi. Donc, d'accord, et peut-être Gear, à la limite, vous allez rire, peut-être le X sur Wii U aussi. Okay. Et ça, c'est parce que je suis un énorme fan de Xenogears. J'avais fait un petit peu Xenosaga. J'ai jamais pu faire Xenoblade parce que je l'ai jamais eu. Oui. Mais enfin, vraiment, je sais que ceux qui sont derrière ça, c'est des gens que j'adore, quoi. Okay, donc, okay. Voilà. Mais donc, ce sera entre ces deux-là. Mais sinon, plus logiquement, vraiment sur une nouvelle génération, si on parle en tant que tel, ce sera Metal Gear. Ok. Donc Metal Gear. Éclair alors. Oui, non, je disais au niveau de la claque graphique. Oui. Ben ouais, plus Metal Gear, enfin c'est plus la cinématique en elle-même qui m'a marqué plus que techniquement, enfin quoique techniquement je crois qu'au niveau gestion des lumières, c'est vraiment excellent. Ah ouais. Cool. C'est pas forcément d'un point de vue technique, il y a pas vraiment de jeux qui m'ont marqué, je sais que il y a The Division de Ubisoft qui m'avait juste marqué pour l'interface utilisateur que je trouvais vraiment génial. Okay. Mais non, sinon c'est à peu près que ça. Puis sinon au niveau des coups de cœur, alors j'ai pas de coups de cœur, c'est plus des jeux où je me dis j'ai envie de voir ce qui va être proposé, enfin de D'accord. ce qu'ils vont présenter après. D'accord. Ça va être The Division. D'accord. Et moi, je crois que c'est à peu près le seul qui m'a vraiment marqué au niveau, qui m'a rendu curieux. Metal Gear aussi, le thème, j'aimerais bien voir ce que ça donne. D'accord. Ouais, si je peux revenir d'ailleurs dessus, The Division, en fait. Ouais. Julien, je veux dire. Julien. Ouais, ouais. The Division, ok. Donc, coup de cœur, The Division. Ouais, plus. Donc, on a compris c'est vrai que pour l'instant, je sais pas pourquoi, j'ai oublié. Que ça tournait entre deux jeux, The Division et Metal Gear, et enfin Kamé pour finir. Je sais pas si vraiment on peut parler de jeu, parce que c'est non, mais pas un jeu en soi. C'est The Dark Sorcerer. D'accord. Bah oui, c'est ça le terme. Pour la claque technique. Pour la claque technique, hein, vraiment, en termes de démo technique, c'est assez exceptionnel, je trouve. D'accord. Pour les jeux, très honnêtement, il y a vraiment rien. Donc là, tu t'achètes même pas ni PS4, ni Xbox, ni Wii. J'achète même pas le fascicule, tu vois. Donc là, tu n'achètes rien, quand même. Avec ce qui a été présenté à l'E-Cube, donc certainement des jeux qui vont être présents l'an prochain. Donc en 2014, tu n'achètes aucune machine nouvelle, c'est ça? Oui, très certainement, je n'en achète pas parce que il y a rien pour l'instant qui justifie cet achat. Ok. Je pense que ma PS3 est encore assez assez forte. On le voit avec The Last of Us, avec les titres qui sortent dernièrement. Mm-hmm. Je pense qu'elle en a encore sous le pied pour patienter jusqu'à un vrai jeu, un vrai killer app pour les nouvelles consoles. D'accord. Sur cette conférence aussi, on a vu que le 1080p était important. Après, est-ce que le 60 FPS, on n'en sait rien encore. Enfin, bon, est-ce que ça va être respecté? Je demande vraiment à voir. Est-ce qu'à un moment, ils devront pas faire des concessions entre un nouveau moteur graphique un peu plus performant et le 1080, quoi? C'est ça. Et je suis absolument d'accord. Non, mais déjà. Et moi, j'attends vraiment de voir, quoi. Non, mais enfin, bon, qu'importe. Mais on est à peu près plus sur ces eaux-là, hein. En tout cas, ce serait étrange qu'on revienne à du 720p ou quelque chose d'intermédiaire. Enfin, y aura toujours des intermédiaires. Et ensuite, dernière chose. Bah, c'est aussi l'explosion du monde ouvert. C'est que la plupart des jeux qui ont été présentés ont pour feature principale d'être ouverts. On peut penser à The Witcher, on peut penser bon au jeu de bagnole, mais là on pouvait déjà penser aussi à Burnout Paradise. Mais même Metal Gear d'ailleurs. Metal Gear aussi. Ouais. Metal Gear. Donc c'est aussi l'une des features principales de tous les jeux qui ont été présentés. Les jeux AAA. C'est pas faux. Monde c'est ouvert. Donc apparemment ça renforce l'immersion, etc. Mais le monde ouvert est aussi un défi au niveau du game design. Puisque la question est de savoir comment est-ce qu'on peut garder une certaine rythmique, un rythme, hein, dans la narration et dans l'application émotionnelle du joueur quand il peut se barrer et revenir 10 heures plus tard comme ça. Donc, on va voir ça. Donc ça, c'était la présentation de tous les jeux pour l'eCube 2013. Merci Claire, merci Camé, merci Tristan, merci Julien.